Accueillons Sébastien F. Gartin. Voici le bulletin Gartin. Voici maintenant une compilation des meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou, diffusées tous les jours du lundi au jeudi, soit Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Bonne écoute. Ça donne envie de chanter par-dessus le thème, mais on va t'entendre si tu le fais. Oui, Sébastien Gartin. Bonsoir. Bonsoir. Joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques, non? Avec la température qu'il fait, je m'excuse, là, il fait encore noir. Là. C'est vrai. Hein? Hey, il est quelle heure, là? 8h12 en direct en ce mercredi matin. Et oui, il fait encore noir. Il fait encore noir. Puis il fait du verglas en plus. Mm-hmm. C'est belle journée. Je vous aime en tabarouette. Ah, j'ai failli ouais, hein? Virer de bande une couple de fois, mais en venant. Il est à pied en plus le matin. Moi aussi, je dois l'avouer. Ben, Colin, laissez-moi pas tout seul la main. Voyons donc. Ouais, ouais. En tout cas. Comme s'il avait pas passé ton nom. C'est ça. Ah, non. Surtout que toi, tu viens à pied. Hein? Le contrat est signé, je fais toutes les émissions de la nuit. Ah, c'est ça. Ah, ouais. Même si on est en construction demain, il va être la pareille. Ouais, ouais, ben, on va animer ça devant personne. C'est mais ça. Devant une belle baie vitrée, comme ça dit bonjour. Mm-hmm. Mais on le voit pas. Donc, Sébastien F. Gartin, à ta chronique d'actualité mondiale, mondialiste et altruiste à outrance. Aujourd'hui, ça sera peut-être pas très mondialiste. Ah, tu viens, on va être très, très sur le plancher des vaches aujourd'hui. On est avec l'UQTR, ce qui se passe à l'UQTR. Oh. Ben, en fait, Il y a le sujet principal de ma chronique dans le journal cette semaine, mon éditorial. Le zone campus. Le zone campus. Oui, on peut en parler. J'écris dedans, on va en parler. C'est ça. Je vais parler de ça, mais c'est qu'en fait, il y a eu une couple de sujets cette semaine qui ont fait « My God », que ça aurait fait des beaux éditos, fait que je vais peut-être en parler un peu en fin de chronique si on a du temps. Mais le sujet principal aujourd'hui, c'est la course au rectorat. Oh! On peut mettre un bruit qui fait peur, parce que ça fait peur. Bon. Fait que probablement que personne n'est au courant, en fait. Ah non, mais les gens s'en sacrent, c'est ça le problème, les gens se sacrent de tout, mais on est là pour les renseigner. Ben ça, je voulais parler de ça premièrement, c'est que bon, présentement, l'UQTR se cherche un nouveau recteur. Ouais. On a un recteur par intérim qui se trouve être aussi le président, ou en fait, je sais pas exactement c'est quoi le titre, mais de l'ordre, du réseau des universités du Québec au complet. Il est intérimaire. Il est aussi notre recteur intérimaire. Ouais. On se rappelle que Nadia Ghazali, la dernière rectrice élue en bonne et due forme, s'était faite démissionner par le ministre Blais il y a de cela quelques mois, c'est-à-dire au début de l'été dernier. Démissionne ou on sac d'or? Ouais. Ben, elle s'est fait proposer fortement de démissionner. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais prends du cash pour t'en aller. C'est ça, rassurez-vous, on peut la croiser à tous les dîners sur l'heure du midi à la cafétéria, pareil. Avec elle est encore ici. Oui, oui. Ben, en fait, elle a été mutée. Elle avait quand même été engagée comme prof parce qu'elle avait quand même lâché le job pour ça. Puis bon, c'était très politique comme démissionnage. Puis en tout cas, bref, de toute façon, je ne voulais pas revenir sur elle parce qu'on pourrait en parler pendant 8 heures de temps. Et on a déjà pas mal parlé. Fait que en plus que j'avais comme d'autres sujets que je voulais aborder vite à la fin. Donc, présentement, ce qui arrive, là, on est en train de se chercher un nouveau recteur en bonne et due forme. Ouais. Puis, on entend, comme tu le faisais remarquer, Mathieu, on n'en entend pas beaucoup parler. Mm-hmm. En tant qu'étudiant et non enseignant et non membre de la direction, ouais, on n'est pas très appelé. Ouais, employé de zone campus. On n'est pas tellement appelé à se positionner là-dessus. Ben, en fait, on se fout un peu de notre opinion. Oui, on n'a aucunement notre mot à dire là-dessus. On a triplement aucun mot à dire là-dessus. Même je vais vous expliquer pourquoi. Ouais. Premièrement, on le sait, il y a une consultation. Ben, on le sait peut-être pas, en fait, c'est ça tout le... Apprenez-le! Non, sachez, chers auditeurs, que je m'étais tellement promis que jamais à la radio, je dirais « chers auditeurs », je suis tellement qu'étaine. Mais dis « chers sachets en sachet ». Ah, maudit que c'est donc, dur quand même. J'oserais même pas. « Chers sachets en sachet ». Je m'essaye même pas. OK. J'ai réussi, une fois. T'as réussi, c'est bien. Ouais. Félicitations, Mathieu. Merci. Mais toi, t'as la langue assez musclée de toute façon. Oh! Trop d'informations. OK, on va dire. Tania, jaloux. C'est que Tania qui pense croche. Bon. On a tout pensé croche. Attends, c'est Matt qui pense tout le temps croche, là. Une fois, je pense croche, c'est mal. Moi, j'ai pas dit que c'est mal. J'ai dit que t'as pensé croche. T'es une fille, tu pètes des papillons. Ouais, définitif. C'est ça. Donc, j'ai aimé ton... Donc... où est-ce qu'on en était? La course au recteur. Course au recteur. On s'en fout, sachez. Ouais. Mais c'est que c'est pas rien que tout le monde s'en fout, c'est qu'on dirait que certaines personnes tiennent à ce qu'on s'en foute. Parce que bon, en tant qu'étudiant, on n'en entend pas du tout parler. On a le portail étudiant, puis rien là-dessus. C'est-à-dire que quand j'ai écrit mon éditorial, je voulais comme faire du fact-checking un peu, qu'on appelle. Ouais, vérifier en bon les français, faits. Vérifier les faits. Puis là, mon premier réflexe, je vais aller voir qu'est-ce qu'ils nous ont envoyé comme message. Et rien. Un petit communiqué, genre aux étudiants, à la population étudiante, pour dire « Hey, on est à la recherche d'un nouveau recteur, ça vous tente? » Ben, c'est ça. Partant, il y a des étudiants qui seraient quasiment qualifiés. Il y a du monde qui sont étudiants, qui sont inscrits à l'UQTR présentement, qui seraient quasiment qualifiés, premièrement. Deuxièmement, bon, comme j'en avais parlé lors de la chronique, je pense que c'était celle que tu étais à l'hôpital d'ailleurs, Tania. Peut-être. C'est sur le féminisme, sur le conseil des ministres, que des fois, les lignes du CV, c'est pas tout dans la vie. Non. Des fois, il faut regarder ce qui est écrit aussi, puis non juste le nombre de lignes. Ouais. Bon, OK, il y a tout ça. Mais ça reste que, bon, l'université en général se garoche pas pour que les étudiants participent à ça. D'ailleurs, la fameuse consultation, il y a comme un genre de vote qui se fait. Mais ça, bon, chaque prof a droit à un vote. Okay. Mettons, moi, je suis un prof, j'ai un vote. Le syndicat des profs a un vote. Chaque membre au placé de l'administration, les vice-recteurs, ils ont un vote eux autres avec. Le syndicat, c'est un vote pour le syndicat au complet. Oui, mais chaque prof a un vote aussi. Les chargés de cours en ont pas, puis les employés de soutien non plus, si je me rappelle bien. Les gens de la cafétéria, etc., mettons. Non, eux autres, ils n'ont pas un vote. Le CAPS, rien à voir. Non, non, ça, ils n'ont pas un vote. Ils ont un vote avec leur syndicat. Ouais, le syndicat a un vote au total. Ouais. Et les étudiants, c'est-à-dire le groupe qui est le plus nombreux sur le campus, et dans cette situation-là aussi, vote pour les étudiants. Ça va être le GEUQTR. Il y a les représentants sur le CA, mais ça, en fait, c'est du fact-checking que j'ai pas pu faire avant de publier. Mais je crois que les membres du CA de l'université ont aussi... Là, on fait attention, c'est pas le CA de la GEUQTR, les fameux CA qui durent 40 heures. Non, non. Là, on parle vraiment le conseil d'administration de l'université qui est présidé par le secrétaire... par le président du CA, en fait. Mais bon... Il y aurait un vote, puis il y a des représentants étudiants là-dessus. Donc, techniquement, il y a des étudiants qui ont un vote aussi, mais c'est des étudiants qui n'ont pas tellement... sont pas élus, sont pas des représentants tant que ça. Ils des se étudiants. Sont présentés c'est sur des le étudiants CA. Qui donnent le point de vue étudiant d'un étudiant sur le CA. Okay. C'est pas des en fait, honnêtement, je sais même pas comment est-ce qu'ils font pour les choisir. Faudrait vérifier ça. Ceci étant dit, donc là, déjà, il y a comme un genre de débalancement, là, on s'entend. Hein? C'est comme si déjà les étudiants ont plus ou moins rapport là-dedans. Mais plus que ça, toute cette magnifique consultation-là, elle n'a aucune valeur législative, si on pourrait dire. C'est vraiment juste pour... C'est comme un genre de gros sondage compliqué, dans le fond. OK. Parce que ce qui arrive, c'est que, bon, premièrement, le GEUQTR se sont positionnés pas par référendum, on s'entend. Ils n'ont pas fait de sondage sur leur site ou quoi que ce soit. Mmh. Déjà, bon, ça, je trouve ça un peu plate. Oui. Petite critique au passage. Mais bon, on s'entend, c'est pour rien qu'un vote. Fait que peut-être qu'ils se disaient que le jeu n'en valait peut-être pas la chandelle. Et on pourrait quand même accepter ça comme raison. Parce qu'effectivement, pour un vote, si leur vote avait valu, mettons, pour 5 points, peut-être que ça aurait peut-être plus valu à peine. C'est, ça, mais c'est tellement rien, c'est tellement noyé. Représentatif aurait été bien par rapport au poids des étudiants. C'est ça. Ils ont dit que ça serait peut-être de toute façon un peu reperte. Sauver du temps, là, c'est ça pareil. Bon. Donc, ça, c'est une affaire, mais c'est que toute cette consultation-là, elle peut ne rien donner du tout parce qu'au bout du compte, ceux qui décident, c'est un comité de 6 personnes qui n'ont pas tant rapport avec l'UQTR. Il y a même pas de représentants des profs sur ce comité-là, c'est des représentants de l'administration. Puis sinon, ça c'est à peu près à moitié du comité, c'est 3 personnes sur 6. Puis l'autre moitié du comité, ben c'est des gens carrément du ministère, du réseau des UQ. Et si je me rappelle bien, il y a aussi quelqu'un qui est comme un membre socio-économique là, en gros, là, quelqu'un qui est pas dans le réseau des UQ, qui est pas dans les universités pour avoir comme un avis externe en guillemets. Donc, on s'entend que au bout du compte, c'est pas les UQTRiens et UQTRiennes qui choisissent leur prochain recteur. En effet. C'est déjà le big boss de l'université. C'est le big boss de l'université, puis l'année m'échappe, mais je l'ai écrit dans mon éditorial, allez le lire. Il y a eu, dans le fond, le recteur Bourque qui a été là pendant 2 mandats, au moins. Il y a eu un premier mandat, puis quand son premier mandat a terminé, lors de son l'espèce de consultation, on a refait la même consultation et il s'était présenté et la communauté universitaire, dans le fond, le fameux vote qui est, on s'entend, pas très représentatif, mais malgré tout, c'est généralement les profs qui décident, en gros. Il avait voté contre lui à une relative forte majorité même. contre le recteur, l'ancien recteur Bourque. Et finalement, le comité, le fameux comité multipartite puis tout le kit, a décidé que c'était lui le prochain recteur. Mmh. Fait qu'on l'a eu pour un autre mandat. Donc, on s'entend, c'est pas la première fois que le comité fait « Ben non, on s'en fout, nous autres, de la communauté universitaire trifluvienne. Ouais. » ils ça vont prendre notre décision. Ça fait Bush contre Gore quand le vote a été gagné par Gore, mais que c'est Bush qui a été élu. Choisi par l'Electoral College. Ouais. Ça fait ça un petit peu genre. Ça fait un petit peu ça, effectivement. Finalement, la population, ben, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu dégueu. Ouais. Surtout que là, c'est institutionnalisé. Le Bush contre Gore, ça a pu être fait parce qu'il y avait eu beaucoup de... Tu sais, il y a eu du grenouillage un peu autour de ça. Là. Normalement, l'Electoral College n'aurait pas pu faire ça. Mmh. En tout cas. Ouais. Mais là, c'est institutionnalisé, là, cette chose-là. Donc... C'est déjà pas très... Tu sais, ça manque de transparence, ça manque de représentativité. Les étudiants, on a virtuellement pas de voix là-dedans. T'sais, c'est vraiment pour la forme qu'en ont donné une à l'OGE, puis c'est tout, là. Mm. Puis bon, ça, c'est très plate, ça mériterait vraiment d'être révisé. D'ailleurs, dans les universités à charte, j'avais déjà parlé dans une chronique précédente de la différence entre une UQ et une université à charte au Québec. Mm-hmm. Les universités à charte, eux autres, c'est eux autres mêmes, en dedans de l'université, qui décident comment est-ce qu'ils fonctionnent. Mm. C'est souvent plus représentatif. Je sais qu'entre autres, à l'université Laval, une chose qu'ils font, souvent, à l'université Laval, eux autres, ils exigent un doctorat. D'ailleurs, ça va être important, on va revenir là-dessus. Il existe quelqu'un qui a un doctorat pour faire un... au moins minimum une scolarité de doctorat de fait pour pouvoir se présenter. Puis souvent, ce qui se passe à l'Université Laval, ils ont deux assos étudiantes par campus, mettons. Il y a la CADEL qui est au premier cycle, puis il y a l'Allié qui s'occupe de maîtrise-doctorat. Puis l'Allié, eux autres, généralement, ils présentent quelqu'un, un exécutant de l'Allié, officier de l'Allié qui se présente au rectorat. Pas en espérant se faire élire, parce que ça sera quasiment pas le cas. Parce que les autres, c'est vraiment une campagne électorale. Là. Okay. Le rectorat, là, c'est en bonne et due forme, un vote. Je pense que les étudiants n'ont pas nécessairement un vote, mais en tout cas, ça a l'air qu'il y a déjà un peu plus de consultation. Et l'Allié, souvent, c'est leur manière de s'insérer dans le débat pour forcer les candidats au rectorat à se positionner sur des enjeux étudiants importants. Ah, c'est bien ça. Fait que ça, c'est bien. Ouais. À l'UQTR, c'est plus touché de faire ça. On a des règles un peu plus bizarres, puis c'est beaucoup ad hoc, je dirais. C'est la définition du mot ad hoc, à chaque fois je le vois définition passer. Définition ad hoc. Définis-le pour le commun des mortels épais comme moi. Ben, comme moi aussi. Bon, ad hoc, c'est. Bon, premièrement, c'est pas parce que vous êtes épais, c'est parce que ça, c'est la distorsion d'étudiants en philo. On utilise plein de mots latins parce qu'on. Ah, c'est pas juste en philo. Il y a du monde en admin qui m'ont sorti le mot ad hoc, c'était comme moi, ouais. Ça fait. Donc. De ta part, ça fait snob un peu, je trouve, mais ok. De la part d'un philosophe, ça a plus de sens. Salutations à, non. Salutations à, ouais, exactement. Donc, définition de ad hoc. AD trait d'union HOC. C'est pas un personnage dans Tintin. Non, c'est ça. C'est pas le capitaine ad hoc. C'est ad hoc, ça veut dire. Dans le fond, on utilise ça pour dire, dans le sens que c'est pas en respect d'une règle générale qu'on fait ça, mais c'est vraiment comme dans la situation, on décide de faire ça. Mais c'est pas, mettons, une règle générale, mettons. C'est un peu ça officieux, mettons. C'est ça. C'est en plein ça. Okay. C'est, mettons, on fait face à une exception, à une règle habituelle où il n'y a pas vraiment de règle. On est dans une zone grise, on ne sait pas trop quoi faire. On va prendre une décision ad hoc parce qu'il n'y a pas de règlement qui me permet de prendre une décision. Cas par cas, peut-être un petit peu aussi, mettons. C'est ça. En fait, ça serait le meilleur, meilleure manière de le dire, c'est ça. C'est du cas par cas. Good. Là, je comprends ça. Moi aussi. Et l'auditeur aussi. Un vote chaque. Je comprends. L'auditeur comprend. Sébastien comme recteur. C'est ça. Non, ça je m'engage pas là-dessus. Puis d'ailleurs, ça me permet d'aller vers le deuxième sujet qui est encore dans le sujet de mon éditorial de cette semaine. C'est le fait que présentement, puis moi je suis déjà surpris qu'il y ait quelqu'un qui se soit présenté justement parce que la tâche a été rendue ridiculement ingrate par toute la saga Gazali. Parce que on le sait, moi je refuse de tout mettre sous sa faute à elle. Ouais. Mm-hmm. Mais t'irais manger un petit pain au beurre avec à la cafétéria? Ben, comme à tous le dos large. Ben, je sais pas si j'irais jusqu'à dîner avec, mais effectivement, je trouve qu'elle a eu le dos très très large, comme tu dis, Tania. Mais encore, on reviendra pas là-dessus. Ceci étant dit, c'est sûr qu'avoir sa face dans le Nouvelis à toutes les semaines avec un gros petit scandale en dessous de sa face. C'est du salissage un peu en quelque part. Puis moi, je comprends que personnellement, avoir eu le CV et avoir été là dans ma carrière rendu au point de dire « Moi, je me présenterais comme recteur d'une université. Je verrais, l'UQTR cherche un recteur. » Puis j'aurais fait « Pas sûr. » Non, hein. Non. Hey, mais, là, c'est eux autres, ça. Ouais, non. Je pense à ça, c'était vraiment intense contre Nadia Gazali. C'était une campagne de gazalissage. Oh, shit! Un match de mots plantes. Merci beaucoup. Oh. J'avais fait du Facebook, celle-là, man. Ah. Mais ouais. Donc, c'est ça. Donc, moi, je suis déjà surpris qu'il y ait quelqu'un qui se soit présenté. Il y a un candidat qui s'est présenté présentement, Daniel McMahon. Je me semble c'est comme ça qu'il le prononce. Mm-hmm. Ben, c'est un H, donc McMahon, probablement. Ouais, mais en fait, je connais son fils, puis il me semble qu'il disait McMahon. Mais c'est n'importe quoi. En anglais, on dit McMahon. Ah. On prononce pas le Mahon. OK. Je sais pas. Coup. Ça dépend des gens. Hein. Je sais pas. De la famille. Ben, c'est, écoute, je... on y demandera. On va se faire inviter à son père. Ça fait à peu près 10 ans que je ne l'ai pas entendu prononcer son nom de famille. Fait que, je dirais que c'est ad hoc. C'est ad hoc. C'est ad hoc en tant que on va s'arranger pour un de nos animateurs l'invite dans un de ses shows. Ah, c'est dommage, mais on n'a plus de ce genre de show-là. Ouais. Ben, le show qui invite des gens, malheureusement, c'est pas mal fini, ça. Ah ouais. En décembre, ça va être fini. Ah, c'est triste, ça. Ouais, je sais. Mais qu'est-ce que tu veux? On annonce une nouvelle à l'avance. Ouais, je sais, mais ça sent bien. Des choses qui arrivent. Sachez-le. Ouais. En sachez. On peut faire un spécial. Oui. On peut faire un spécial. Moi, je t'invite, Mathieu, à inviter, à l'inviter s'il est élu vice-recteur. Parfait. Vice-recteur. Recteur. Parfait. Bon, ceci le chèque est normal. Le chèque est normal. Je peux te ben, au pire, vous m'inviterez aussi, puis ça serait une très bonne idée. C'est bon, ça. Pour recevoir M. McMahon, voici Sébastien Pierre. Bon, en tout cas, bref. C'est ça. Bon. Donc, il y a un candidat, comme on disait. Mm-hmm. Pas surprenant qu'il y en ait qu'un. Quasiment ouais. Surprenant qu'il y en ait eu un, en ah fait, ouais? En est-ce qu'il aurait pu ne pas en avoir, puis l'intérimaire reste là jusqu'à... Ben, d'après moi, oui. Je pense qu'il aurait fallu qu'il revote l'intérimaire, mais ça, c'est un vote en conseil d'administration. Mais là, il serait devenu un vrai recteur, l'intérimaire, non? Ben non, en fait. Non. Il aurait juste prolongé son intérim jusqu'à temps qu'il refasse une autre appel de candidature, okay. Ben, ça se peut qu'ils veulent pas se présenter lui-même en tant que recteur officiellement. Ouais, ben lui, il a une job plus haute de toute façon. OK, et mieux payé. Mais ben, je pense que je me demande si c'était pas. Mais ça mériterait vérification. Mais c'est des choses qui sont assez standards en fait. Ça se peut que, étant donné qu'il était intérimaire, il n'ait pas eu le droit de se présenter. Ah, OK. Ça se pourrait. Ouais. Mais honnêtement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il aurait fait s'il n'y avait pas personne qui s'était présenté. C'est sûr qu'il aurait prolongé l'intérim. Mais après, je sais pas, que je veux dire, tu peux pas rester éternellement avec un recteur intérimaire, là. Ça donne un peu un truc comme le Gondor dans Le Seigneur des Anneaux, qui ont un régent pendant je sais plus combien de centaines d'années. Mm-hmm. Mais bon, référence au Seigneur des Anneaux, j'ai fait une chronique politique, check. Yeah. Félicitations, moi j'allais faire un jeu de mots d'intérim babine. Intérim babine. Ça fait mal au lèvres. Tania est couché sur la table. Ça n'a pas d'allure. Tania, c'est le fun quand elle réagit à mes blagues, mais qu'elle ne veut pas assumer le fait qu'elle a ri de cette blague-là. Elle le fait hors micro. C'est ça. Voilà. Moi, ça me fait penser à la soirée T'es encore jeune, que des fois, ils ont des réflexes de radio, puis là, tu te rends compte qu'ils sont à la TV. Ah, oui, c'est ça. De faire des trucs comme ça. Puis là, comme, hey, dude, c'est parce qu'on est à la TV. Mais ils choisissent en plus de passer ces bouts-là parce que c'est un montage, c'est pas toute l'émission au complet. Fait que s'ils passent à la TV, c'est qu'ils ont peut-être choisi que ça, c'est un bout de rôle pour la TV, tu sais. Effectivement. De toute façon, parenthèse, la soirée est encore jeune. Le gros intérêt de ça, c'est leur interaction. Mm-hmm. Quand ils font des jokes de Jean-Philippe Wautier et de show de danse. Mais bref. Oui. Il n'y a personne ici qui fait de show de danse. On va continuer. Une chance. Ouais. L'argent. Mes taxes! Ouais, c'est mes taxes! Les gens qui crient à leur taxe. Ouais. Donc, c'est triste, ça. Ouais. Bon. Donc, on s'attaque que ces gens-là n'écoutent pas nécessairement la soirée est encore jeune. Et ni c'est fou. Ni c'est fou. Ouais. La plupart. Quoi que Samuel Girard m'a avoué qu'il nous écoute le matin. Il reste une émission, je pense. Deux émissions. Une deux émissions. Samuel Girard. OK. Fait qu'il écoute là. Jeudi matin. Sauf cette semaine. Non, je disais que lui, il nous écoute présentement parce qu'il fait du char pendant ma chronique. Exact. Fait qu'il m'a avoué qu'il nous écoute. Salut Samuel. Salut Sam. À ce temps-ci. Cool. Attention à pas te tuer, là. Moi, ouais, c'est ça. Essaye. Fais attention. On va faire des références à Sam tout le long de l'émission. J'en sais. Ouais, Sam. Sam, tourne à droite. J'ai attendu à la fin de la session pour le dire. Mais ouais, il m'avait avoué que c'est ça qu'il nous écoutait. Ah, il écoutait ma chronique. Donc. Ce qu'on a été. Oui, c'est ça. Donc, le candidat, je trouvais ça important de parler un peu plus du candidat parce que il y a eu une mini polémique autour de sa candidature parce que monsieur n'a pas de doctorat. Oh, controverse. Oui. Ça fait mal. Il y a eu, en fait, dans le syndicat des profs, la consultation dont je parlais tantôt, ça en plus, c'est pas rendu public les résultats de ça. Ah. Mais le syndicat des profs fait un sondage maison à l'intérieur de ses membres. Et l'appui, il y avait un appui majoritaire à M. McMahon, mais c'était pas si fort que ça. On était dans le 60% supérieur, là, pas loin de 70%, ce qui est quand même modéré comme appui. Passage, mettons. C'est sa fesse. C'est ça, c'est sa fesse un peu quand même. Puis une des raisons qui était évoquée, c'est le fait qu'il n'y a pas de doctorat. Par contre, il a déjà été vice-recteur à l'UQTR, on va le rappeler. Il était vice-recteur, il a été maire de Nicolette. Il a été dans une couple d'autres choses du même genre. Ce qui fait qu'on sait que, ben, entre autres, présentement, sa job actuellement, il est président de l'Ordre des comptables agréés du Québec. Oh. Quand même, on s'entend, gérer une équipe, on pense qu'il devrait être pas si peu. Puis, le problème avec son absence de doctorat, c'est qu'il y a des gens qui considèrent que ce que ça veut dire, c'est qu'il connaît pas la recherche et que, vu que la recherche est une activité importante dans l'université, ben, c'est important qu'il ait fait de la recherche et qu'il connaisse ça. Ce qui est pas complètement... C'est pas complètement fou, mais veux-tu baser juste ton jugement là-dessus? Non, ben, surtout si t'as personne d'autre qui se propose. Eh ben, tu sais, tout dans le pied, ta carrière. C'est ça. Il va faire la job, clairement, je pense. Entre lui et quelqu'un, il y a eu des candidats qu'on nommera pas, mais qui avaient effectivement un doctorat, qui ont été profs pendant quelques années, mais qui, très vite, ont eu des postes administratifs et, finalement, se sont rendus à se présenter au rectorat. Mm. Bon, moi, j'en ai un en particulier en tête qui a pas été élu, mais ça reste que c'était pas une affaire qu'on avait soulevé son manque d'expérience en recherche. Je veux dire, à un moment donné, faut pas virer fou non plus. Ben, ouais. Puis, il y a une affaire aussi, c'est que on est une UQ. On n'est pas Harvard. Ouais. On ne vit pas sur la publication et le prestige et le nom de l'université. On vit sur le fait que, à base, la raison pour laquelle l'UQTR a été fondée, c'est pas parce qu'on avait besoin de plus d'universités qui faisaient de la recherche prestigieuse. Et t'sais, oui, il faut qu'on en fasse. Je suis pas en train de dire ça. Ouais. Mais c'est juste qu'il faut pas oublier qu'à base, la mission d'université... T'sais, une université, c'est deux choses. C'est de la recherche et de l'enseignement. Mais les UQ ont un peu plus... L'enseignement, ça devrait être un petit peu plus prioritaire parce que la mission à base des UQ, ça a été créé pour la formation en région. Mm-hmm. C'était ça le but de la créer. Fait que, oui, la recherche, c'est important, mais l'enseignement vient un petit peu plus avant. Puis malheureusement, dans les dernières années, de plus en plus, l'enseignement prend un peu le bord. Puis là, on en met dans la recherche, puis on en met dans des nouvelles bébelles comme le MOOC, que ça s'appelle, un truc ouais, comme ça. Oui, les cours massivement en ligne, gratuits. C'est ça, puis plein de choses comme ça. Puis là, tu sais, de plus en plus, il y a une tendance à donner carrément des cours de bac en ligne, puis ça a même déjà été évoqué, des cours de maîtrise et de doctorat. Mm-hmm. Puis, personnellement, étant en maîtrise, moi, un cours de maîtrise en ligne, c'est une aberration. Un cours de bac, je trouve que c'est déjà une aberration, mais au moins... C'est théoriquement crédible, mettons, ouais. On va le dire de même. Là. C'est plate, c'est vraiment dole, c'est démotivant au bout, mais bon, c'est un cours de entre être présent dans une classe puis que le prof te met des PowerPoints avec tout son stock dessus puis tu fais juste te prendre 3-4 notes, puis avoir la même affaire que tu te fais envoyer PowerPoint par Internet, t'es libre, tu passes un examen là-dessus. Tu sais, des fois, la différence n'est pas énorme. Ceci étant dit, faut pas justifier les mauvais utilisateurs pour le avec le système. T'sais. C'est un peu comme quand on parlait d'auto puis que je disais, les contrôles de stabilité sur certains chars, des fois, c'est un peu exagéré. Ça fait que les mauvais conducteurs peuvent faire n'importe quoi. Ouais. Ben, t'sais, c'est un peu le même principe. C'est de transformer en modèle les mauvais profs. Mm. Mais bon, t'sais, cours de bac de vraiment grosse théorie sale, que le gros du cours, de toute façon, se fait en études à la maison. OK, je comprends. Correct. T'sais, t'es 80 dans une classe, on s'entend, l'interaction est pas full là. Mm. Mais un cours de maîtrise, où ce que t'es 7, 8, à la limite une quinzaine dedans, que le but du cours de maîtrise, c'est d'avoir une discussion sur un sujet pour faire avancer tes travaux puis les travaux de tout le monde autour de la table. Depuis que je suis à maîtrise, mes cours, ça se fait dans une classe avec une table ronde, puis c'est la norme un peu des séminaires de maîtrise. Tu fais pas ça en ligne? Comment tu veux faire ça en ligne? Oh, on va faire un forum, par Skype, Slack, ça serait déjà mieux, mais rendu là, tu sais. Mais c'est comme la mode, là, tout sur Internet, de toute façon. Oui, c'est pas sortir de chez vous. C'est ça, exact. C'est ça. Fait que moi, ce que je voulais en venir avec tout ça, c'est que c'est le fun d'avoir un candidat au rectorat qu'il n'y a peut-être pas de doctorat, mais par contre, il a gagné un prix d'excellence en enseignement. Ah oh! Moi, je me dis, c'est rafraîchissant c'est un peu. C'est bien ça, oui. C'est un peu ma conclusion. Mais de toute façon, M. McMahon dit que il va, lors du vote, il veut 50% plus 1, puis il va le faire. S'il est battu, il va pas prendre le poste, mettons. T'sais. Ben, ça, je pense que c'est juste le choix. Cohérent, ouais. La chaise... Ouais. Non. C'est une fois qu'on n'a pas des élections provinciales et fédérales, mais je pense que la chaise, c'est quand même un signe quand que la chaise gagne. T'as pas le... Mais de toute façon, même si le monde vote pas pour qui, ils pensent qu'ils vont garder qui? L'intérimaire, comme on disait tantôt, on sait pas encore. Ouais, l'intérimaire a pas fait grand vague à date. Fait qu'il y a peut-être les gens qui se disent, ben, on aimerait ça le garder lui. Peut-être. Il y a peut-être un peu une espèce de. Ben, c'est ça, comme je dis, je suis pas sûr, moi, qu'il peut se présenter vu qu'il est intérimaire, justement. Mm-hmm. Puis l'autre chose, c'est qu'effectivement, il fait pas de vague parce que c'est un intérimaire. Ben, c'est il est pas là pour mettre sa vision en place. Il est là pour gérer les affaires le temps qu'on élise quelqu'un. Que la roue continue de tourner. C'est ça. Parce mais que, c'est l'équipe qui fait la job, puis lui, il fait juste le délégué. C'est qu'il fait la job. Ouais. Il fait pas le tu sais, veut pas un recteur, ça vient un peu avec une vision. Puis présentement, le recteur qu'on a là, il fait, moi je pense, de ce que j'en sais, il fait de la bonne job. Ouais. Mais il fait pas une job de recteur normal, il fait une job de recteur intérimaire. Mais c'est ça que. Ouais. Il prépare le terrain pour le prochain vrai entre guillemets, ouais, recteur. Parce que sans nommer de nom, j'ai déjà eu affaire avec quelqu'un d'intérimaire, puis il pense qu'en faisant le minimum de la job, que finalement c'est ça la job de recteur. Mais c'est pas ça la job de recteur. C'est pas juste le minimum de toute façon. C'est pas de faire le minimum de la job, c'est une question de quantité. C'est juste que tu gères les affaires, tu t'arranges pour que ça continue sur la lancée que c'était. Ou en tout cas, tu essaies de régler les problèmes qu'il y avait aussi entre temps, mais tu sais. Ça pourrait prendre quelques temps. Ouais, c'est ça. Mais il y a une différence entre faire ça, puis faire ça avec toi, une espèce de vision peut-être un peu plus politique de ta job. Mm-hmm. Tu sais, toi, t'as des idées derrière ça, puis t'as comme des projets que tu vas avancer aussi. Il y a, tu sais, autre que juste la continuation de ce qui s'est fait. Puis parlant de projets, très rapidement, les sujets que je voulais aborder, l'équipe de football. Oui. Ça fait plus ça que le recteur. Ben oui. Moi, je pense que ça a été refusé. Là. Il y a du monde qui disait que c'était du manque de guts de la part de l'administration. Puis moi, là-dessus, je suis quand même assez d'accord avec, là encore, le point de vue des profs. C'est-à-dire, on a déjà des équipes sportives. On a une équipe, d'ailleurs, on a une équipe de hockey qui est la seule équipe de hockey francophone, universitaire. La Ligue. Ça pogne pas tant. Puis, tu sais, je pense qu'avant de mettre de l'argent dans une... Puis là, ils disent le coup nul, là, garde mon œil. On s'entend, là, c'est coup nul si X, Y, patente, conditions, puis tout, là. Puis avant de se doter d'une nouvelle bébelle, parce qu'ils disent « Ah, mais oui, mais le football, ça pogne les autres universités, puis tout. » Mais c'est parce que c'est pas une panacée pour créer du sentiment d'appartenance. Les gens vont... je sais pas comment dire. C'est un cercle à un moment donné. Il y a déjà un sentiment d'appartenance. L'équipe build sur le sentiment d'appartenance. Donc là, le sentiment d'appartenance est plus fort. Fait que là, le monde participe plus aux activités. Tu sais, c'est de même, ça marche. L'engrenage. On a toutes les conditions pour que ça fasse ça. On aurait toutes les conditions pour que ça fasse ça avec l'équipe de hockey des Patriotes. Colin, présentement, l'équipe, c'est une des meilleures dans la ligue en plus. Oui, il y a tout pour que ça marche. Pourquoi ça marche pas? C'est parce qu'il n'y a pas le sentiment d'appartenance prérequis. Puis ça, ça fait depuis que j'écris dans le zone que je le répète, c'est pas avec des grosses bébelles que tu vas le régler, c'est pas avec des panneaux, c'est pas avec une équipe sportive. Oui, le football, si tu regardes dans la vie, ça donne que les écoles, les universités qui ont des équipes de football de ce niveau-là ont un plus grand sentiment d'appartenance, mais c'est parce qu'il y a d'autres conditions aussi qui permettent ça. C'est pas l'équipe de football qui explique le sentiment d'appartenance. C'est un beau mirage, peut-être. Ben c'est ça, c'est un gros mirage. Puis, surtout, puis ça, c'est l'autre affaire que les profs dénonçaient. Ça, c'est un argument, puis ça n'est pas un. C'est un peu un appel au sentiment, mais ça reste que c'est une grosse claque en pleine face des profs de dire on va investir dans dans une équipe sportive, alors qu'on a déjà une qui est très bonne, mais qui marche pas pour la job qu'on voudrait que la nouvelle équipe sportive fasse, mais qui pourrait. Puis, pendant ce temps-là, les profs comme s'enlignent sur des conventions collectives qui vont peut-être perdre du salaire, qui perdent des. Tu sais, on ferme des cours présentement parce que les compressions budgétaires, puis tout. Là, on veut se partir une équipe sportive. C'est un peu indécent. Ils disent, ouais, ça va créer des postes ici, puis ça. Pis... Ben oui, le CERAS, il pourrait se faire pareil, même s'il n'y a pas de. Ça, c'est la nouvelle chaire de recherche là, en santé sportive, un truc comme ça. Là, je me rappelle plus trop des détails. L'acronyme. Là. Ouais, c'est ça. Je me rappelle l'acronyme, c'est CERAS, mais je me rappelle plus trop ce que ça veut dire. Mais tu sais, ça peut se faire pareil. Ouais. Je veux dire, on a une tonne. Tu sais, je parlais de l'équipe de hockey, mais on a une tonne et demie d'équipe des Pats. Ah, les soccer, cheerleader, volleyball, badminton, il y en a plein. Badminton, ouais, c'est ça, du volleyball, je pense. Ouais. On a une équipe de natation, si je me rappelle bien. Mm-hmm. On a une équipe de cross-country. La cross, mais ça, c'est pas une patriote. C'est externe c'est de patriote. Okay. Mais il y a beaucoup de sports. Mais c'est ça. Soccer masculin, soccer féminin. Puis, à ma connaissance, moi, je suis pas énormément ça, les sports. Je suis pas les sports dans la vie. Puis, ceux de l'université, pas même un plus. Mais, tu sais, ça reste qu'on a quand même souvent du monde qui score. Puis, on dirait que ça décolle pas. Non. Mais, tu sais, c'est que tu sais, c'est que tu peux pas forcer ça, du sentiment d'appartenance. Faut que ça vienne avec toutes des affaires autour. Puis le grassroots. Encore, c'est une affaire que je dis depuis 2 ans, là. Ouais. C'est avant d'investir dans les bébelles puis dans le flafla, investissez donc dans les locaux, Colin. nos locaux de classe sont dégueulasses. Ouais. Tu sais, c'est plate, mais ça, c'est des affaires que t'as bien beau mettre toute l'énergie que tu veux dans fanions, puis dans des logos, puis dans ce que tu veux. Mais si, quand t'es un étudiant, ce qui va t'empêcher d'avoir un sentiment d'appartenance, c'est quand que ça te fait chier de rentrer dans ton local de classe. Ouais. Excusez le terme. Non, c'est montée de lait que j'avais besoin de faire depuis un bout. t'as pas tout à fait tort. J'ai comme l'impression que c'est difficile d'avoir un sentiment d'appartenance de toute façon à Trois-Rivières. En partant, ouais. C'est ça. Ben, je veux dire, bon, la ville n'est pas nécessairement... En partant, la ville n'assume pas son statut de ville étudiante. Si tu fais comparaison avec, mettons, Sherbrooke, qui est une ville d'ampleur relativement semblable. Personnellement, je suis des cours à Sherbrooke la fin de semaine, puis le feeling n'est pas le même. T'as vraiment une fierté d'être à Sherbrooke, d'être à l'Université Sherbrooke, puis tout. Puis tu sais, oui, il y en a une équipe de foot, mais c'est pas l'équipe de foot qui justifie ça. Je veux dire, même les gens qui se sentent... En tout cas... Ouais. Ça a pas, c'est pas juste ça, tu sais. Tu sais, c'est qu'il y a une affaire aussi, c'est que t'arrives dans des locaux à l'Université Sherbrooke, puis tu sais, ça a été rénové, c'est plus neuf. Ils ont pas juste slapé un projecteur dans une vieille salle de classe décrépite avec des bureaux qui datent de quand à peu près dans le temps que je suis rentré au primaire. Ouais, c'est ça. Ça fait longtemps, ça. C'est probablement les mêmes bureaux que quand nos parents venaient à l'université. C'est ça. Honnêtement, je serais pas tant surpris. Il y a des locaux, ça dépend où dans l'université, mais il y a des locaux que clairement, je veux dire, ça date. Tu regardes le modèle des bureaux, puis tout, puis tu le sais que c'est les années 70. Ça paraît, là. Il y a des gravures au. Pour apporter à d'angle. Oui, genre, oui, oui. Love 76. Exactement. Non, mais tu sais, les espèces de wannabe bureaux, là, y a ça dans des auditoriums, entre autres, là, tu sais, que le siège de celui, ton siège est accroché attaché à le bureau d'en arrière. Ah, là, ouais. Ça, là, tu sais, des trucs comme ça, ouais. Ça se fait plus, là. Non. Tu sais, c'est pas pour rien que ça se fait plus, d'ailleurs. Ouais. Mais nous autres, on est encore pognés avec des trucs comme ça, des fois, tu sais. Fait que, tu sais, ça joue sur le fait... Le simple fait de rentrer dans la bibliothèque puis que la moitié des rayons de la bibliothèque soient vides. C'est vrai, hein? J'ai remarqué ça moi aussi. Ouais. L'effet, tu sais, même pas là, juste. Puis tu sais, parce qu'on sait qu'il y en a du stock qu'ils pourraient mettre dessus. Ouais. Là, personnellement, en philosophie, nous autres, on s'en sert beaucoup de documents encore. Puis je pense que depuis 2 ans, ça m'est jamais arrivé d'aller chercher un livre à la bibliothèque qu'il fallait pas que j'aille commander à la salle de la Violette. Mais il y a une belle porte. Il y a une belle porte. On met l'argent là-dessus. L'effet psychologique de rentrer dans une bibliothèque puis que t'as juste des rayons vides devant toi. Ouais. Je m'excuse, mais tu te sens pas fier à ce moment-là. T'sais. Les priorités sont peut-être pas à bonne place tout le temps. C'est ça, tu sais. Ouais. Mais nous, notre priorité, c'est de te revoir pour 2 autres chroniques en 2015. Yep. Donc, on te retrouve la semaine prochaine et l'autre après. Après ça, notre session est terminée. Donc merci beaucoup Sébastien Viertin. On continuera sur, je crois que tu avais peut-être un autre sujet, mais on l'abordera la semaine prochaine. Ouais, c'est ça, on reviendra. Merci. C'est ça, c'est la semaine prochaine, c'est les mercredis à 8h pour notre chronique du bulletin Viertin. Ok, oui. Référence à une précédente blague qu'on a fait plus tôt aujourd'hui. Oui. Sam, c'est à gauche qu'il faut qu'il aille, comme ça. Ah, à gauche, Samuel. Et non pas à droite. Samuel Girard, Samuel. Salut Samuel. Samuel tourne à gauche. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cestfou.ca. Replongeons dans le dîner de con. Un certain midi cette semaine. Eh bien, on va aller dans un segment de l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. Ça fait quelques temps que j'en avais pas fait. Et puis, c'est ça, on y va. On va parler de bactéries. Ça vous tente? Donc, bactéries, tel est le nom de notre plus ancien arrière-arrière-grand-père. Le saviez-vous? Eh bien oui, voilà aussi le nom de la structure organique qui a régné le plus longtemps et le plus largement sur notre Terre. Si notre planète est âgée d'environ 5 milliards d'années, la première bactérie, une archébactérie, est apparue, elle, il y a plus de 3,5 milliards d'années. Pendant 2 milliards d'années, l'archébactérie et tous les dérivés sont restés seuls à s'amuser sur Terre. Les seuls à se battre et à se nourrir, à se reproduire. Combien de de belles épopées bactériennes, combien de drames, combien de bonheurs bactériens demeureront à jamais ignorés de nous, hein? Nous, les récents occupants de la croûte terrestre. Dans le cœur de tout homme, il y a une bactérie qui sommeille. Notre Terre a déjà parcouru les trois quarts de son existence jusqu'à nos jours. Un quart dans le silence, deux quarts avec des bactéries pour seul habitant. Et lorsqu'apparaît la première cellule à noyau, c'est une vraie révolution dans la vie. Jusque-là, les gènes se promenaient en vrac dans la cellule. Lorsqu'ils se réunissent en noyau, eh bien, un programme cohérent peut enfin s'édifier. Les bactéries donnent naissance à une branche évoluée, les algues bleues, hein, les fameuses cyanobactéries. Contrairement à leurs ancêtres, elles aiment l'oxygène, la lumière du soleil et elles sont l'avenir. Plus ça avance, plus ça va vite. Les algues bleues donnent naissance alors à des formes de vie de plus en plus sophistiquées. Les insectes apparurent il y a 250 millions d'années. Les hommes, bons retardataires, ont pointé leur museau il y a 3 millions d'années. Quant aux bactéries qui n'ont pas su évoluer, elles ont toujours l'horreur de l'oxygène. Alors, elle reste tapis au fond des terres, au fond des mers et même au fond de nos intestins. Le saviez-vous? Ben oui, c'était les bactéries par rapport à l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. Et puis tiens, j'ai le goût d'être dans un autre article. Ici, c'est le clavecin de lumière. Qu'est-ce que le clavecin de lumière? Eh bien, en 1730, le père jésuite Castel émit une théorie faisant correspondre les sons et les couleurs. Selon lui, le bleu était la couleur de Dieu, car la couleur du ciel. Dieu étant la note de départ, eh bien, le do, première note de l'octave, correspondait au bleu. Ainsi de suite, Castel construit un clavecin oculaire capable de projeter des combinaisons de couleurs. Déjà, les light shows, hein, c'était hallucinant. Pour disposer d'assez de lumière, il était nanti de 60 lucarnes, une par touche de clavier, elle-même éclairée par 500 chandelles. L'art de faire de la musique avec une couleur fut plus tard baptisé la Lumia, une symphonie qui s'est appelée Prométhée, où le poème du feu fut achevé en 1910 par le compositeur russe Alexandre Scriabine. C'était un véritable synesthéticien, c'est-à-dire qu'il voyait des couleurs dès qu'il entendait la musique. Synesthésie, hein, c'est ce qu'on dit. Il joua cette symphonie devant un public dont il avait exigé au préalable qu'il soit habillé de blanc afin que les vêtements absorbent les couleurs durant toute la durée du concert. C'était le clavecin à lumière. Vraiment très, très, très intéressant, cette encyclopédie du savoir relatif et absolu à vous procurer. Et on est au volume 3, je pense, de cette édition, parce qu'il est vraiment beaucoup plus épais que la première version. Sur ce, eh bien, on continue dans nos nouvelles tout à fait insolites et inutiles. Hein? C'est assez là, d'apprendre des affaires puis d'être sérieux. Je vous parle de la statue de la liberté. Eh bien, elle serait inspirée par une paysanne égyptienne. Bizarre. Donc, c'est ce qu'affirme en tout cas l'Institut Smithsonian, qui gère de nombreux musées à Washington, s'appuyant sur plusieurs ouvrages, suggérant que son architecte français s'est inspiré d'une silhouette de femme arabe. L'architecte de l'immense statue, le français Frédéric Auguste Bartholdi, qui s'est rendu en Égypte de 1855 à 1856, a développé une passion pour les monuments publics à grande échelle et les structures colosses. C'est ce que rapporté... rapporte les parcs nationaux sous la protection duquel se trouve la statue de la liberté. OK. C'est comme le ministère des parcs nationaux qui gère la statue de la liberté. C'est ça que j'essayais de comprendre. Je comprenais pas. Désolé. Elle se trouve sur l'île de Liberty Island, au sud de Manhattan, à New York. Quand le gouvernement égyptien lance un appel d'offres en 1869 pour établir un phare au bout du canal de Suez, Bartholdi propose d'ériger la statue d'une femme drapée portant une torche incarnant l'Égypte, apportant la lumière à l'Asie. Pour ce monument, il s'est inspiré des colosses d'Égypte, et de la silhouette d'une femme paysanne voilée, affirmant... Photo à l'appui, Barry Moreno, auteur de plusieurs ouvrages sur la statue citée par le site Smart News de l'institution Smithsonian, en plein débat sur l'immigration aux États-Unis. La statue du canal de Suez aurait mesuré 26 mètres de haut sur un piédestal de 14,5 mètres. Selon Edward Berenson, auteur du livre Statue of Liberty, A Transatlantic Story, qui a été écrit en 2012 et cité par le Smithsonian, Bartholdi avait effectué une série de dessins dans lesquels la statue proposée commence comme une Fela, une paysanne arabe, et évolue progressivement en divinité colossale. À l'époque, l'immense majorité des Égyptiens étaient musulmans à 86 %, à Alexandrie et au Caire à 91 %, et dans les autres régions, selon le Smithsonian, c'est ça, à 91 %, pardon. Recalé pour le canal de Suez, Bartholdi prendra la silhouette de cette femme pour concevoir en 1870 la Statue de la Liberté, cadeau de la France aux États-Unis, qui sera inaugurée en 1886, incarnant la liberté, éclairant le monde. Et là, il y a des gens qui nous rajoutent, ils disent « Oui, c'est Ishtar, une déesse babylonienne. » J'ai le goût d'aller vous vérifier immédiatement. Ishtar, on va regarder ça, la déesse Ishtar, qu'est-ce que... On va voir le look qu'elle est supposée d'avoir, hein? Et on nous dit qu'Ishtar était une prostituée, vraiment. Donc, c'était à une autre époque, hein? Ishtar, ouais, on peut peut-être voir un petit lien avec ça. Est-ce qu'on va voir ici, voir si la photo... Ouais, on peut voir le lien avec Ishtar parce que elle est drapée, effectivement, et elle tient une torche à la main. Donc, effectivement, ça peut y ressembler. Et puis, tiens, tant qu'être dans l'encyclopédie du savoir relatif et absolu, pourquoi pas aller apprendre sur Ishtar, qui est le nom d'une déesse chez les Assyriens et les Babyloniens. Les Sumériens l'appelaient, eux, Inanna, oui. Elle doit sa renommée à son activité culturelle et mythologique jamais égalée par une autre déesse du Moyen-Orient. À son apogée, elle était la déesse de l'amour physique et de la guerre, donc sexe and rock and roll. Non, mais sexe et combat. Régissant, la vie et la mort, elle semble avoir comme descendance Aphrodite en Grèce, Turan en Éthurie, Vénus victrice à Rome. Elle a un aspect hermaphrodite, comme beaucoup de déesses de ce type. Donc, un peu homme, un peu femme, mais c'est quand même, elle, de là d'où descendrait Aphrodite, quand même. Hein? Et côté étymologie, eh bien, comme pour la plupart des divinités mésopotamiennes, eh bien, l'étymologie des noms Ishtar et Inanna sont discutées. En sumérien, Inanna était interprétée comme étant dérivant du Ninhan, la dame du ciel, mais rien ne démontre qu'il s'agisse bien de l'origine du nom. Monsieur Jacobsen avait proposé que ce nom signifiait « dame des grâces » de date dans une interprétation naturaliste de la religion originelle de Sumer. Dernièrement, la tendance étant à prendre en considération les possibles origines sémitiques de plusieurs grandes divinités du panthéon sumérien. Et là, ça continue, il y a beaucoup d'informations sur Ishtar, mais moi, je vois vraiment très bien d'où la ressemblance avec Ishtar, avec la Statue de la Liberté. Vraiment, bravo aux internautes qui ont ajouté ces petits commentaires bien enrichissants. Ici, 27 des meilleures publicités mettant en vedette des hockeyeurs québécois. Quand il s'agit de vendre des produits, les annonceurs ont souvent recours à des joueurs de hockey professionnels. On ne peut pas les blâmer au Québec. La renommée de ces athlètes n'est plus à y faire et s'y associer est tout à l'avantage des commerçants. Toutefois, si certains sportifs sont naturellement doués pour la communication orale, d'autres manient plus difficilement la langue, quelle qu'elle soit. Voici un récapitulatif, des publicités télé les plus mémorables mettant en vedette des hockeyeurs d'ici. Est-ce qu'on s'en envoie quelques-unes? Moi, je pense que ça vaut la peine. On va baisser notre trame ici. On va aller ouvrir celle-là, l'ordi du studio. On a Maurice Richard et le Gratian Formula. On y va tout de suite. When it comes to feeling young, a lot of it's up here. 3 years ago, Maurice Richard said goodbye gray hair. Hello, Gratian Formula 16. It was so easy, remember? Parfait. T'es pas le top en anglais, mais quand même. On y va avec Yvan Cournoyer, lui, qui nous offre Vital Dry Texture. Un nouveau prototype à cheveux pour homme. Texture souple, vendu à vaporisateur, ce qui est normal, ou en tube, ce qui est tout à fait nouveau. En tube, il fait tout ce qu'il fait en vaporisateur, sauf pshht, choisissez. Les deux donnent à vos cheveux une apparence souple. Il fait toute la même chose, sauf pshht. Essayez texture souple de Vitalis. Essayez-la en vaporisateur, qui fait tout, oui, qui fait pshht, ou en tube, qui fait tout, sauf pshht. Hey, ça, c'était de la pub, hein? Il y a Marcel Dionne avec Denis Potvin et Lanny McDonald et Daryl Sittler pour la compagnie Chrysler. Est-ce que c'est en anglais? OK, les gars, bougez pas. Soyez patient. Quand c'est possible, Denis Potvin, Lanny McDonald, Daryl Sutler et Marcel Dion sautent dans leur voiture K pour une partie de pêche dans le Nord. Hey, Denis, les poissons s'impatientent. Les tractions avant Dodge Ariesca et Plymouth Reliant K pour rouler loin sans gaspiller d'essence, de l'essence ordinaire, avec une protection de 50 ou 80 000 km. Une pub d'Ariesca, c'est comme le char le plus laid qui a existé sur la planète. Et puis je salue mon père qui en a eu un. C'était vraiment le pire des chars du monde. Mais en tout cas, j'ai quand même appris à chauffer là-dessus. C'était magnifique, un Ariesca. Mike Bossy, ah, ça c'était magnifique aussi. Mike Bossy qui nous faisait une pub du poulet frit Kentucky. Je te dis que du beau jeu comme ça, ça ouvre l'appétit. Veux-tu que je t'aide à préparer les amuse-gueules? J'ai mieux que ça. Attendez-moi, je reviens avec tout ce qu'il faut. Approchez-vous, les amis, c'est prêt. Fiez-vous à Mike pour bien nous recevoir, surtout quand il s'agit de choisir son poulet. Avec du poulet frit Kentucky, je manque jamais mon coup. J'aime son goût unique. Ça, c'est du bon poulet. Ça, c'est du bon poulet. Au bon bout de chez nous, ça, c'est du bon poulet. Ça, c'est du bon poulet. Hey, aïe aïe. Sinon, Guy Carbonneau et Stéphane Richer avec Larry Robinson pour le marché de l'électronique. Ça fait dur, me semble, en partant. Ils arrivent, un convoi au grand complet pour la plus gigantesque vente jamais vue en Amérique organisée par le marché de l'électronique, le Forum en vente. Plus de 10 millions de dollars en équipement électronique neuf directement du marché de l'électronique. Tout doit être vendu en 3 jours, l'événement du siècle. Faites vite, 3 jours pour économiser comme jamais auparavant. Oui, mais on les voit, mais on les entend pas parler. Samedi seulement. Ça, c'est une vente! Ça, c'est une vente! Ils ont dit ça tout ensemble. C'est magnifique. Le Head and Shoulder par Vincent Danfourche. Mais je sais, c'est Vincent Danfourche. C'était pas la beauté de mes cheveux qui compte. Mais après le match, devant les journalistes, les lentilles des caméras et les millions de téléspectateurs, mes cheveux doivent être impeccables. Des pellicules, il n'y en est pas question. Pour les éliminer, j'utilise Head and Shoulders. Il enraye les pellicules et donne une belle apparence à mes cheveux. Je peux pas toujours avoir un casque sur la tête. Head and Shoulders. Je peux pas toujours avoir une tête sur le pour casque. Cheveux impeccables, sans pellicule. Merci Vincent Danfousse. Non, c'est pas intéressant. Georges Larac, moi j'aime moins les nouvelles pubs. C'est moins intéressant. Dave Morissette, non, ça m'intéresse pas tout ça. J'en veux des vraies vieilles. Vitro Plus, 2015. Brandon Gallagher. Bon, ben, gars, on a vraiment finalement été entendre les meilleurs parce que les. Ah, ici, Mario Lemieux pour Snickers. Ben oui, on veut aller vers les années 80, les nouvelles pubs, on veut pas y voir. Ici. Au hockey comme dans d'autres choses, ce qui compte, c'est de toujours donner son maximum. Puis en parlant de maximum, il n'y a rien qui bat une bonne barre Snickers. Au milieu de l'après-midi, une Snickers, ça me satisfait jusqu'au souper. La barre Snickers, des arachides croquantes, du nougat au beurre d'arachide, du caramel crémeux. C'est une très bonne pub, merci. Rempli d'arachide, Snickers satisfait pleinement. J'ai beau m'appeler le mieux, ce que je veux, c'est le meilleur. Ah! Snickers satisfait pleinement. Magnifique petit jeu de mots ici, hein? Ici, c'est Coke Diet. Avec Céline, avec Martine Sinclair. Hey, Obélix, les uns pour les autres. Hey, Obélix, les uns pour les autres. C'est fou comme c'est bon. Mais quand même assez extraordinaire qu'il y avait dans la même pub Martine Sinclair, Mario Lemieux, puis Obélix et Idéfix. Quand même assez extraordinaire. Mario Lemieux, encore ici, il y en a un autre. Ça va être quoi, celle-là? La soupe chunky. Penses-tu que vous pouvez gagner ça ce soir? Oui, je suis confiant. Mario, as-tu mangé ta soupe chunky? Hein? As-tu mangé ta chaudrée de palourdes du Maine? Ben oui, man. Avec toutes ces bonnes palourdes dans la sauce crémeuse. Chunky, c'est la soupe que j'aime. Je voulais juste être certaine que t'avais mangé ta soupe Chunky. Hey, c'est ma mère. La chaudrée de palourdes du Maine de Chunky. Une autre soupe Chunky qui se mange comme un repas. Hey, hein? Ah, ça, c'est quoi? C'est une nouvelle, celle-là? Me semble que c'est pas vieux. C'est Guy Lafleur pour Circulation Booster. On va laisser faire les nouvelles. On a Guy Lafleur, par exemple, pour Airfax, des cheveux magnifiques. Parlons cheveux avec Guy Lafleur. La perte de vos cheveux vous empêche de réaliser vos rêves? Regardez bien ceci. J'ai commencé à perdre mes cheveux à l'âge de 22 ans. J'ai été consulter les gens d'Airfax. Ils m'ont mis beaucoup en confiance. Maintenant, je suis plus sûr de moi. Puis ça va très bien. Attends, ça, c'est magnifique. Plus de moi. Confiance. Maintenant, hey, ça, là, excuse, je me fous, je l'écoute. Mes cheveux à l'âge... C'est un musicien. J'ai commencé à perdre mes cheveux à l'âge de 22 ans. J'ai été consulter les gens d'Airfax. Ils m'ont mis beaucoup en confiance. Maintenant, je suis plus sûr de moi. Puis ça va très bien. Je vais le conseiller à tout le monde. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Faites comme nous. Faites confiance à Airfax. Pour un rendez-vous de la documentation, composez sans frais le 1-800-363-7303. Il n'y a pas de petit commentaire. On l'a écouté déjà deux fois. Les scouts et guides par Guy Lafleur. Je n'ai pas toujours été joueur de hockey. Quand j'étais jeune, j'étais scout moi aussi. Ça m'a bien aidé à partir dans la vie. Cet automne, les scouts et guides du Québec vont passer à votre porte pour vous offrir leur calendrier 1986. Pour seulement 3$, vous nous permettrez de participer à de nombreuses activités de plein air. Moins d'un sou par jour. Il est moins drôle, celui-là. Hey, mais on en a des bonnes après. Cet automne, j'achète un calendrier des scouts et guides du Québec. Faites comme moi. Mario Tremblay pour Ford et Mercury, ça c'est magnifique. Bonjour, bonjour, bonjour! Cherchez une auto qui roule à blanc. Chez Ford et Mercury, ça te lâche. Je veux qu'on traite comme du monde. Ben, on est sa même longueur d'onde. J'ai pas d'argent à gaspiller. J'ai pas envie de me ruiner. Les bons prix, c'est une de nos qualités. Venez vite faire un tour chez les concessionnaires Ford et Mercury. Vous y trouverez juste la qualité. Allez, allez! Hey, c'est magnifique. Je sais que j'en ai beaucoup. Hein? Ah, il y en a encore 10 000. Les petites annonces du Journal de Montréal avec toujours Mario Tremblay. Mario Bionic, pour nos téléspectateurs, pourrais-tu nous raconter ton meilleur coup? Mon meilleur coup, oui, c'est mon coup de téléphone de petites annonces. Du Journal de Montréal? C'est ça. Justement, Mario, on a la reprise. M.O.B., M.O.B. Quel coup de pantoufle! Naturel, hein? Et il soulève la foule! M'as-tu vu? Et c'est le but! Comme ça, Mario, les petites annonces du Journal de Montréal, ça marche. C'est sûr, j'ai même vendu mon téléphone. Les petites annonces du quotidien français le plus lu en Amérique, ça marche. C'est sûr. En tout cas, il y en a tout un florilège. Pour vrai, il y en a vrai 30 qu'on a passé sous silence là. Mais allez voir ça, ça vaut la peine. Si vous aimez le vintage et puis si vous aimez rire un peu, et puis si vous êtes quelqu'un qui est tout le temps à mode, ben allez voir ce que vous allez avoir l'air d'une couple d'années. Parce que c'est ça qu'on a l'air quand on est trop à mode. Je vois l'heure qui avance, pardon, et on va s'envoyer une pause musicale. Et la pièce que j'ai décidé de vous envoyer, eh bien, c'est du Dead Hobies. La pièce s'appelle En Way. Et puis, allez voir la vidéo. Si vous voulez voir mon gars, il joue dans la vidéo. Ben non, il joue pas dedans. Il était au show lorsque la gang de Dead Hobies ont fait la vidéo. Et puis, on le voit à peu près 37 fois durant la vidéo. Et puis, c'est juste un petit clin d'œil comme ça. Vous savez même pas c'est qui, mon gars. Mais si ça vous intéresse, allez voir la vidéo. Très, très bien réalisée. Un beau noir et blanc, bien artistique. Et c'est une track qui brasse sur un méchant temps. Fait que, away! Ah, c'est ça que vous attendiez tout, ain't it? Coupe de gros mots, coupe de girls, coupe de moët. Coupe de haters qui se peuvent plus d'attendre pour hate. Mais c'est fin de chill, vrai chill, y'a pas un gros mec qui dégèle. Et puis that's it, on se cassera pas le PC. Brigitte, French frogs gon' rip it. Fête au Québec, discutez si tu veux pas make it. À moins que tu fake it, fuck it. T'es une sorte de mec Champlain à remonter le Saint-Laurent. On est 6 d'un P6 contre 100 sur Saint-Laurent. Le temps c'est vous de flotter des bois, it's really good. Règle de chance, et si t'es peur, et t'es guédé, mon wig. Ça fait que je rampe énergiquement son marito rapide blanc. Ce qu'a dit à moi comment ça. Check, life's a bitch when you look at that. Many cocks in there, j'l'appelle bébé double dutch. Front, dis-moi les Hawaii à gauche. Ou ben non, sac ma flip et joue-moi de la musique à bouche. Shut the fuck, scotch, take mon affiche up. Get it up there, boy, fais comme dans un step and shop. Chup. Ah ouais, jump up dans le tour, boss, papé, j'ajoute la toune au ballon, j'en retourne au Starbucks. Living on a road, booty naked dans un car wash. So fresh, so clean, bitch, ta cousine était starstruck. Ça fait qu'on frappe le hit parade, on célèbre ça, I can back, pis une douche de Gatorade, homie. Got the juice, we be sipping Tanqueray, cause every day my birthday, hip hip hip hooray. Ouais. C'était Dead Obies. Hein? Ça brasse-tu sur un méchant temps? Sérieusement, cette track-là, ça rentre assez solide. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Je regardais les réseaux sociaux. Tu regardais les réseaux sociaux? Eh bien, oui. Ben, voyons donc des affaires la même, ça. Ben oui, je sais. J'essayais de brocher de l'eau à un arbre. Justement. Parle-nous de ça. Je voulais en venir à ça. Qu'est-ce que tu as trouvé sur ces réseaux sociaux-là? Attends. Ben, sur les réseaux sociaux, en fait, je viens de voir une photo qui dit « Pour tous ceux qui disent que rien n'est impossible, essayez de brocher de l'eau à un arbre. » Et voilà. Et c'est le sujet de la chronique du Club plein air UQTR. C'est Catherine Langlois. Salut, ça va bien? Très bien, toi? Ben, ça va très bien. Yeah, enfin de retour après deux semaines. Mm-hmm, c'est ouais. Ça, pas mal ça. Et on parle de plein air. À chaque semaine, on a des activités à mentionner par rapport au club plein air à la fin de la chronique. Et aujourd'hui, tu as deux sujets principaux dans ta chronique. Oui, tout à fait. Donc, on va parler, là, l'hiver s'en vient, on va parler des chiens de traîneau. Puis également, on va aller dans une touche un petit peu moins de plein air, mais qui est quand même importante parce que souvent, l'hiver, quand il fait vraiment pas beau dehors, là, par exemple, en fin de semaine, on a eu une journée de pluie, on sait pas trop quoi faire pour bouger non plus. Donc, je vais aborder cet aspect-là là, pour quand même rester actif, mais être à l'intérieur parce qu'on veut pas tout le temps aller prendre des marches là, sous la pluie et des choses comme ça. Non, c'est basé sur un fait vécu sur ta propre vie de toi en fin de semaine. C'est ça. En plus. Parce que là, ça, on a généralement pas grand choix. T'sais, on peut écouter des films, faire de la popote, des choses comme ça. Donc, je vais proposer des choses là, qui vont nous permettre d'être un peu plus actifs. Génial. Mais on commence avec les chiens de traîneau. Oui, mais avant, par exemple, je vais parler là, des activités. Ah, bon. Puis je vais en reparler à la fin aussi. D'accord, là. Génial. C'était un peu trop rapide pour moi. Excuse-moi. T'es en feu un matin. Même. Donc, le 1er décembre, qui est dans demain. Voilà, qui est demain. On a l'escalade, donc une initiation à l'escalade. Autant pour les personnes qui en ont déjà fait, qui en ont jamais fait. C'est au coût de 15 $, donc on va aller au centre Mahican. Si vous savez pas c'est quoi, là, c'est sur le bord de l'eau, peut-être à 5-10 minutes maximum en auto de l'université. Puis vous pouvez faire les inscriptions au local ce midi, de 11h30 à 14h, pour les personnes que ça intéresse. Puis également, il y a la fameuse conférence que j'avais déjà parlé un peu plus tôt. Mm-hmm. Donc, elle est fixée au 16 décembre. C'est sous le principe de 5 à 7. Donc, en soirée, la conférence va débuter à 18h, puis c'est gratuit. OK. Donc, c'est simplement, nous, on va vous encourager peut-être là, à prendre quelques bières et tout à la chasse-galerie. Mais ça va vraiment être gratuit là, pour le coup d'entrée. Puis, c'est Gitane Charon qui va être notre conférencière. La blogueuse. Donc, exactement. Donc, globelovers.com, c'est son blog. Elle va nous parler là, des destinations voyages et des astuces aussi. Donc, fort intéressant là, pour ceux qui se planifient des voyages, pas de sac ou autant tout inclus, peu importe. C'est vraiment intéressant comme chronique. Je pense que genre est le même conseillère en voyage, donc... Oui, mais dans le fond, elle est responsable de la qualité et de la formation pour Voyage Arabais. C'est ça, je pensais. Ah, donc, voilà. Elle a été conseillère là, pendant un bon moment. Voilà. Et voilà. Fait que là, 16 décembre. Oui, le 16 décembre, on retient ça. Puis l'escalade qui est demain, là, vous pouvez toujours vous inscrire. Demain étant mardi 1er décembre. Exactement. Donc là, on va tomber avec les chiens de traîneau. Oui. Donc, premièrement, ben ça vient d'où? Ouais. Tu sais, on sait jamais trop l'origine de ça. Qui c'est qui couche avec un traîneau pour faire ça? Ah! Hein? C'est pas... Mais... C'est une joke, là. Ben oui, c'était bien formulé. Merci, ouais. C'est une belle structure. Ça a des petits bébés traîneaux. Ah oui. Puis ils grandissent et deviennent des chiens de traîneau. OK, vas-y, Catherine. Vas-y donc, Catherine. Ouais. Ben oui, je vais y aller. Donc, les premiers indices, là, comme quoi que le sport, justement, relié au traîneau à chien, là, a été découvert peut-être autour de moins 6000 ans avant Jésus-Christ, qui ont découvert que ça se faisait. Donc, c'est les indices là, qu'on a au niveau archéologique et tout. C'est sûr que ça s'est vraiment popularisé pour la ruée vers l'or en Alaska. C'est là qu'ils s'en sont servis. C'était vraiment par rapport à un moyen de transport qui était le seul qui pouvait avoir là, la marche, on s'entend, en grand froid. C'était pas bien pratique. Donc, pour avoir une rapidité et tout, c'était moyen de transport seulement. Maintenant, on sait qu'on l'utilise comme divertissement. Ben, c'est très rare. En tout cas, je vois personne ici qui utilise ça comme moyen de transport pour venir à l'université. Là. Donc, je dirais que c'est plus un sport de neige. Donc, moins le côté pratico-pratique là, pour transporter des marchandises comme il y avait avant. Ensuite, ben, c'est sûr que les attelages, il faut savoir, c'est autour de 10 à 12 chiens environ. Ça dépend toujours. Là. Il y en a des plus petits, il y en a des plus gros. Puis, on cherche toujours deux qualités chez les chiens. On cherche qu'il y ait de la vitesse, parce qu'on veut pas non plus que ça dure des heures. Mm-hmm. Le but d'en faire, justement, là, c'était d'aller plus vite. Puis on cherche une grande endurance, ah oui, parce qu'on ça. Sait là, qu'il faut qu'il fasse de très, très grandes distances. On peut aller, là, quand on regarde ça ici, le husky sibérien, qui est une race, là, justement, qui est fortement utilisée là, pour le chien de traîneau. On peut parler qu'il peut faire environ là, 1000 km en quelques jours. OK. Wow, quand même. Puis qu'il peut aller là, jusqu'à 20 à 30 km/h de vitesse. Donc, c'est 1000 km en quelques jours. Puis on parle avec aussi des dénivelés qui équivaut environ à 3 fois l'Everest. Wow. Donc, quand on fait des comparatifs comme ça, là, c'est assez impressionnant qu'un chien puisse faire ça. Puis c'est sûr que c'est des chiens nordiques. Donc, c'est pas des chiens qui sont élevés là, comme, par exemple, des chiens domestiques qu'on a, nous, ici. Il y a toute une autre façon de le faire. Ensuite, il y a certaines races de chiens qui sont les principales là, dans les attelages qu'on va retrouver. Les deux, c'est sûr, je viens de nommer le Husky d'Alaska. Il y a le Malamute d'Alaska aussi. Donc, c'est les deux principales, là, je vous dirais, vous allez retrouver à 100% dans tous les attelages. Mm. Puis, ensuite, c'est sûr, il y a le... Ça, j'ai bien de la difficulté à dire le mot, là. Groenlandais. Le Groenlandais. Le Groenlandais. Groenlandais. Voilà. Groenland. Oui, j'imagine. Mais ça, c'est vraiment plus rare, par exemple, comme race. Puis on a le Samoyède. Ça aussi. Donc, ouais. Ceux qui savent c'est quoi, là, les deux, ces deux sortes-là, c'est quand même assez rare. Donc, dans ouais. les attelages, je vous dirais, là, le Husky, le Malamute tout le temps, le Groenlandais et le Samoyède, c'est des personnes. C'est des personnes. C'est des chiens qui peuvent être dans les attelages, mais que c'est beaucoup plus rare. Donc, on peut le retrouver plus au nord, par exemple, en Alaska, mais ici, au Québec, j'ai jamais vu encore là, des attelages qui avaient ça. Mm. Puis, on peut parler également des Huskies sibériens. Donc, Husky d'Alaska, Husky sibérien. Là, ouais, dans la même parenté, mettons. C'est ça, ouais. Exactement. Mais en général, tout ce qui est croisé Husky, ça peut être des bons chiens de traîneau là, également, là, parce qu'ils ont quand même ce côté-là c'est pour beau. La vitesse. Ben oui, c'est bon. Super beau. Des gros toutous. Oui, le Samoyède, ça vient de la Russie. Ah! Oh! Ouais. Une petite recherche. Ça prend ça. Hein? Donc, ensuite, c'est sûr que le ski sibérien, il faut savoir que c'est un sprinteur, puis il est capable d'aller vraiment des longues distances. C'est lui qu'on met tout le temps en tête du okay. traîneau. Mm. Donc, c'est lui là, qui va guider, qui va dire où aller, puis il a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie à revendre, là, si on le sait. Donc, c'est pour ça qu'il est en avant. Ensuite, c'est le GPS de la gang. Oui, c'est ça. mais il faut savoir, par contre, là, que les skis, ils peuvent pas... C'est des chiens de meute, oui, mais en même temps, ils peuvent pas être toujours là, dans le même enclos avec les autres skis. Dans le sens où ils ont tellement un côté qui est quand même assez indépendant là, qu'ils vont se battre entre eux. Donc chacun, généralement, dans les chenilles, là, ils ont leur petite cabane à eux pour avoir leur ah, endroit. Leur appartement. C'est ça. Pour recevoir le courrier à bonne boîte Ils ont toutes leur 1,5. C'est ça. Ok, ça, c'est vraiment important. Ensuite, quand t'es en tête là, du traîneau, justement, le husky est généralement très proche du traîneau. Donc, plus proche de nous, là, qui est assis puis qui se prélasse en regardant c'est le ça. Ciel, là. Vers le maître, entre guillemets, mais tu fais rien, là. C'est tous les chiens qui font tout pour ça. Exactement. On a généralement, là, deux malamutes. Donc, ah. Parce que c'est des très, très gros toutous, là, mm-hmm. qui ressemblent à des petits nounours tout cute, mais en réalité, là, ils ont quand même un fort caractère. Puis également, c'est que, à cause de la puissance puis de la force qu'ils ont, ils ont vraiment une cage thoracique là, super permissive là, au niveau cardiaque et pour tirer. Donc, et c'est pour ça qu'ils sont proches du traîneau, parce qu'on est beaucoup plus lourd à tirer. Ah, ah. Ben oui. Donc, c'est pour ça qu'ils sont généralement là. Donc, entre le husky qui est au devant là, de la troupe et les malamutes en arrière, ça peut être mélangé. Ça, ça dérange pas là, tant que ça. Donc, ça peut être aléatoire, dépendamment des chiens disponibles, des choses comme ça, mm-hmm. s'il y en a qui sont fatigués. Tu sais, tu mets les races de chiens qui étaient moins populaires en tant que. C'est entre Malamute puis les croisés. Les autres, là, ouais, c'est ça. Oui, on pourrait. Ouais. Ça, c'est certain, là, parce qu'en tant que tel, plus on est proche du traîneau, je mettrais peut-être pas un croisé, mais ça, ça dépend. Là. Ça dépend de chaque chien, ça, c'est sûr. Mm. Mais de préférence, là, vraiment Malamute puis Husky ouais. à ces places-là. Ensuite, ben, c'est sûr, le Malamute, en tant que tel, là, il peut peser jusqu'à plus de 40 kilos. Donc, c'est pour ça, là, c'est très, très lourd. Puis, ils ont un petit peu moins de légèreté. Là, un husky, c'est très petit, là, quand vous regardez ça. C'est super agile et tout. Donc, ça explique très bien leur placement. Ensuite, pour ceux qui n'ont jamais fait de chien de traîneau, il y a des codes qu'il faut savoir. Donc là, vous allez m'entendre un peu faire des sons bizarres, là. C'est... oh, j'ai hâte! C'est les quatre sons, mais on peut dire un mot, là, que les randonneurs, quand ils s'initient au chien de traîneau, il faut qu'ils sachent. Okay. Pour okay. leur dire d'avancer, pour leur dire d'arrêter à droite, à gauche, peu importe. Donc, c'est sûr, pour tourner à gauche, c'est A. Donc, A. A. A. Voilà. Tu peux le dire avec n'importe quelle intonation. A. Puis ensuite, pour virer à droite, ça, je suis vraiment pas sûre que j'ai la bonne prononciation, c'est G. G. G. G. Oui. D-J-I. G. G. G. G. A. G. OK. A. G. Voilà. Oui. Faut que tu fasses attention, on va s'en aller du crush. Tu fais ça, A. G. Exact. Puis là, bien, c'est sûr, là, dépendamment de comment ils ont été élevés, là, en général, pour avancer, ben vous dites juste aller ou go, là, peu ouais, importe. Ouais. Ça, ça dépend de la personne. C'est ça. Ça dépend du chenil que vous allez avoir. Là, ils vont pouvoir tous vous le dire. Si c'est des Québécois, c'est ah ouais, tabarnak! Ben, j'imagine que s'ils ont dressé leur chien comme ça, là, ça serait quand même assez impressionnant. Donc, ensuite, ben, pour arrêter, c'est le fameux wow. Wow. Wow. Oui. Fait que en résumé, Go Wow. Voilà. C'est on dirait un nouveau site d'enchères après ben Kijiji, oui. C'est Adji Go Wow. Je mets mon char là-dessus. Ben oui. On va faire des raps, tout. Ben oui, tout à fait. Ouais. Donc, ça, c'est les mots qui sont utilisés en général. C'est sûr, ça peut varier, là, mais ça reste quand même une bonne constance. Puis là, ensuite, on se demande, en Mauricie, où est-ce qu'on peut faire ça? Ouais, ça se fait probablement déjà que ça me surprend. Ben oui, ça se fait. Cool. C'est peut-être, là, je dirais, à 30-40 minutes au nord de Shawinigan. OK. Donc, c'est sûr, c'est peut-être une bonne heure et demie de route, dépendamment de votre vitesse. Mais c'est le centre d'aventure Matawin. Matawin. À Matawin. Oui, je m'imagine. c'est pas juste un malaise quand Mathieu Plante fait un mauvais jeu de mots. Matawin, fallait que je te parle, tes jeux de mots sont mauvais. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont nommé comme ça. Peut-être. En ton honneur. Mais c'est ça. Donc là-bas, tu peux faire du traîneau à chien. Également, ben, tu peux faire toutes sortes d'activités hivernales. Ils ont de la pêche aussi sur glace, poisson des chenaux et tout. Donc, peu importe là, si c'est pour faire du traîneau à chien ou d'autres activités, ça peut être un super de bon centre plein air pour aller voir. Puis, c'est pas tant loin de nous non plus. Mais c'est super. C'est pas Matawin, comme on dit. Non, c'est ça. C'est pas trop loin. Puis, c'est très près d'un plan d'eau, justement, pour permettre la pêche sur glace et tout. Ah. Donc, ceux qui restent dans la région, là, puis qui retournent pas dans leur petit patelin pendant le temps des fêtes, vous pouvez y penser. Ensuite, ben, c'est sûr que. Il faut savoir là, des petits fun facts que je me suis fait dire. Ça, c'est quand même assez intéressant. Là. Ils sont nourris par du sang de cochon, les chiens. Ah, miam, hein? Ah. Comme du boudin. De pain, si je ne me trompe pas. Ouais. Ouais. Donc, c'est ça, pour donner de la force et de la vigueur. Puis, pour réchauffer également. Là. Donc, c'est leur nourriture. Ah. Je trouvais ça un peu spécial. Ça change de la nourriture de chien qu'on achète chez Costco. Ouais. Ça fait vampirique un peu. Hein. Un petit peu. Ouais. On dirait que ça fait moins rassurant là, quand on pense à ces chiens-là. Un peu. Mais bon, c'est un genre. Ouais, ouais. Ben oui, ça c'est certain. Puis, on est obligé de les accompagner. Là, non, c'est ça. Quand là, ils mangent, ils peuvent manger ça dans leur appartement, dans leur petit 1,5. Ça, c'est pour les huskies. Excuse-moi. Les huskies sont chanceux. Ils ont leur petit 1,5, mais aussi les huskies puis les malamutes, donc c'est des chiens là, nordiques. Donc, ils sont faits pour avoir pour être corrects et confortables dans des températures vraiment extrêmes. Donc, on peut parler peut-être jusqu'aux environs de moins 50, eux, ils seraient corrects. Wow. Hmm. Confortable, normal. C'est ça. Wow. Juste avec leur pelage. Mm-hmm. Tandis que nous, je sais pas comment on serait habillé à moins 50, là, mais on aurait une coupe d'épaisseur, ben, j'imagine. C'est sûr. C'est ça. Ça, c'est certain. Donc, ensuite... qu'est-ce qu'on peut faire également quand il y a la mauvaise température dehors? Ça, c'est bien important. Comment en fait semaine quand il mouillait? Elle a la gros dilemme de ma vie. Je ne savais que faire parce ah, que... Ah, c'est toi, là! Mais j'avais vraiment pas envie de rester là à rien faire, mais je savais pas, là. En tant que tel, on est tous pris avec ce dilemme-là quand il fait pas beau dehors, mais qu'on a envie de s'activer. Ouais. Donc, ça, c'est pas nécessairement dans la région ici, mais pour les personnes qui provenaient d'ailleurs, là, comme Montréal et les endroits comme ça... Il y aurait le TAZ. Donc Le TAZ. Comme le diable de Tasmanie. C'est ça. Mais pas ça. Et mais ça on fait arrête. Quoi, ça? Ça mange quoi, l'hiver? Ouais. Le TAZ, c'est pour faire... vous pouvez faire du patin roi ligné. Ah, OK. À l'intérieur. Ouais. J'espérais que ce soit pas une activité de taser, comme tu sais, le gars de la police. Ouais. Non, mais ça me donne une idée. Vous pouvez faire du laser quest aussi. Ça, oui, par contre. Ça, c'est le fun. Mais pas avec un taser, ouais, non. S'il vous plaît. Non, c'est ça. Ben, c'est un centre intérieur où est-ce qu'on peut faire du BMX, du skateboard, du patin roignier, comme j'ai dit, autant de façon acrobatique. Et oui, patin roignier de façon acrobatique, on peut faire ça. Ouais, ça se fait. Ça. Autant là, récréatif, on peut faire du roller hockey. Donc, toutes plein de choses là, que normalement, on pourrait pratiquer à l'extérieur s'il fait beau. Ou que c'est pas l'hiver, puis que là, c'est permis. Donc, c'est à Montréal, puis il y a 80 000 pieds carrés okay. d'espace. Mm-hmm. Donc, vraiment, là, c'est très, très grand pour quelque chose qui est à l'intérieur. Dans les journées de pluie, vous pouvez y penser. Donc, c'est le TAZ, puis c'est à Montréal. TAZ. Exactement. Ensuite, on a les fameux centres de surf intérieur. Mm-hmm. Ouais. Ouais. Donc, l'année passée, on avait fait une activité aussi avec le comité là, à Oasis Surf, donc au 10-30. Ça va sûrement se refaire cette année. Là, c'était vraiment quelque chose qui avait été super populaire parce que, pour ceux qui ne connaissent pas le principe, c'est simplement qu'on a une vague qui est contrôlée à l'intérieur. Donc, un peu comme une piscine à vagues, on peut dire. Là. Mm-hmm. Sauf qu'ils sont contrôlés pour qu'on puisse faire du surf dessus. Puis ensuite, le but, c'est qu'on stagne un peu là, sur la vague en général. Vu que c'est intérieur, tu stagnes, mais l'important, c'est que ça t'apprend à te tenir en équilibre. Ouais. Donc, ça, c'est super là, pour l'initiation. Puis même, les personnes qui sont un peu plus expérimentées, ça peut donner d'autres défis que vous pouvez faire, pratiquer des figures, des choses comme ça. Ça donne un bon show aussi à ceux qui regardent ça. J'imagine que tu vas pouvoir regarder un petit peu les autres faire. Ben oui, tout à fait. Ouais. Là, quand tu attends ton tour, tu peux regarder les instructeurs, par exemple, là, qui sont super bons. Ouais. Donc, il y a deux places, comme j'ai dit, au Oasis Surf au 10-30, donc qui est sur la rive sud, là, à Brossard, la rive sud de Montréal, excusez-moi. Oui, oui. J'ai tout à tendance, là, mais c'est pas la rive sud à Bécancour. Ensuite, il y a Maeva Surf aussi, qui est à Laval. Donc, au niveau du surf intérieur, c'est sûr que c'est vraiment dans la région métropolitaine, là, à Montréal. On n'en a pas vraiment à Mauricie encore, peut-être un jour. Peut-être. Ou même à Québec, peut-être. Donc, ça, c'est le principe. Ensuite... C'est fun de voir les gens se péter à gueule aussi. Un peu comme en skate. Ils tombent en bas de leur... Oui, leur c'est planche, vrai. Hein? C'est ouais, mais j'imagine que tomber dans l'eau, peut-être, ça ferait un petit peu moins mal que tomber en skate. Sûrement. En tout cas, tu t'érafles un peu moins. C'est moins drôle, là-bas? Non, je pense que c'est aussi drôle. Ouais, c'est ça, cool. C'est aussi drôle. Je sais ça. Comme les personnes qui font des plongeons dans l'eau, là, ça reste drôle. Ensuite, il y a le fameux engouement pour le centre iSaut. Donc, on en entend vraiment beaucoup parler oui, là, ces temps-ci. Oui, exactement. Ah. Donc, on en a à Montréal, à Québec. C'est deux centres. Puis, celui-là, là, ben, c'est plus de 10 000 pieds carrés de trampoline que vous pouvez faire. Puis, c'est interrelié avec des fosses, des trucs que vous pouvez grimper dessus. Là, honnêtement, pour les hyperactifs, c'est génial. Ouais. Parce que c'est sûr que vous pouvez faire plein de choses. Mais comment ça fonctionne? Habituellement, les personnes, ils vont peut-être pour une durée de 2 heures parce que tu dépenses beaucoup d'énergie là, quand tu te donnes à fond. Donc, tu peux y aller, puis c'est ouvert très tard là, quand même. Là. On parle peut-être autour de 11 heures le soir pour celui de Québec. Donc, même après un cours là, qui finit à 6h30 ici la semaine, vous pouvez quand même y aller. T'as des plans de même, toi. Ben, après écoute, un cours, tu t'en vas à Québec. Puis... Écoute, on peut. Wow. Rien n'est impossible. Donc, c'est ça. On peut faire également ben, du trampoline classique, donc comme on connaît puis comme on avait sûrement dans notre cours, mais un peu plus sécuritaire à la place. On peut également faire du basketball, du ballon chasseur sur trampoline. Ah, cool! Donc, plein de choses comme ça. Là, vous pouvez faire des parcours qu'il y a. Un peu comme les courses extrêmes là, que j'avais parlé la semaine passée. Mm-hmm. Il y a certains obstacles qui reviennent, puis à l'intérieur, ça se passe. Donc, ça, vous pouvez faire ça là, pendant des heures et des heures. Puis, il y a toujours de la mousse pour amortir. Il y a des instructeurs qui se promènent, donc qui sont là pour vous expliquer là, si, par exemple, toi, ça te tente de faire un backflip, mais tu n'as jamais fait de backflip. Ouais. Ben, tu peux demander à un instructeur, est-ce que tu peux me montrer comment et tout. Ah, c'est bien. Donc, ça peut être vraiment bien, surtout pour votre sécurité. Ouais. C'est vraiment important de ne pas essayer n'importe quelle figure comme ça parce que ça vous tente. Parce il y a que de la mousse. C'est ça. C'est ça, exactement. Là, parce que si on ne saute pas au bon moment ou des choses comme ça, il reste qu'en dehors de la mousse, il y a quand même des rebords. Ouais. Puis moi, je suis genre, quand je fais des roulades, t'sais, je ne vais pas tout droit, je tourne d'un bord puis de l'autre. Fait que... S'il y a des personnes comme moi, là, c'est ça. Je suis pas le genre de personne qui va demander à faire un backflip. Là. Je vais plus jouer au ballon chasseur. Moi, ce que j'aime de trampoline, ça me fait penser, tu sais, il devrait se faire commencer par PFK. Tu sais, qu'il y a des trampoulets. Oh boy. Fait qu'à place d'avoir de la mousse, tu aurais de la sauce aigre douce tout le tour, tu sais. Fait que là, tu pourrais faire littéralement un trampoline. Trampoline dans ça. Oh boy. Comme un trampoulet. Puis là, faudrait que la personne s'appelle Lynn. Faudrait qu'elle s'appelle Pauline ou Lynn. Ben oui. Ouais, Pauline, ouais. Un des deux, mais tu sais, ce serait une trampoline. Ce serait peut-être collant un petit peu, là. Ben justement, c'est ce qu'on veut. À s'en lécher les doigts. Bon, tu peux continuer quand tu veux. Ben oui. Ben en tant que tel, là, c'est pas mal ça qui conclut ma chronique pour aujourd'hui. Fallait finir là-dessus. Hein. Fallait finir sur ton gag, là. Mais je vais quand même faire un rappel des activités, s'il te là. Plaît. Donc, on parle toujours pour le comité écutaire. Notre local, il est situé où? Donc, juste à côté de la bibliothèque au deuxième étage. Vous allez voir, on donne du café gratuit, du thé, puis petite nouveauté qu'on va acquérir bientôt, puis qui va sûrement être plus en fonction là, pour la session prochaine, parce que là, on finit bientôt. Exactement. Donc, on va avoir des micro-ondes. Hey. Oh. Donc, les personnes, là, petite astuce. À la place d'aller aux quatre micro-ondes sur le bord de la cafétéria, allez là, puis il n'y a pas personne qui va savoir. Parce que c'est vous allez les cacher en arrière. Ça. Exactement. Ah, ouais. On va sentir bon chez vous, en plus. Ouais, ben, on va pas les cacher en arrière nécessairement, mais pour les personnes qui vont vouloir venir chauffer leur lunch, puis on va toujours être là pour discuter en même temps si on peut. Brainwasher, mettons. Là. Peut-être. Peut-être les brainwasher. De toute façon, ils n'ont pas le choix d'attendre après leur plat. Et c'est voilà. C'est là qu'il faut que t'attaques, il faut que t'en reviennes. Fait que là, après l'heure du dîner, on va se demander, coudon, il me semble que tu sens beaucoup le spaghetti, Catherine. Ouais, ça se peut, ça. Je vais peut-être, dépendamment là, de ce que les personnes viennent faire chauffer, ça se peut que mon odeur change. Je te souhaite pas trop de poisson. Ah, je me le souhaite aussi. Donc, il y en a des fois là, où est-ce que justement il y a beaucoup de micro-ondes, là, ça sent longtemps. Là, ça, depuis qu'il n'y a plus de micro-ondes à la chasse-galerie, la chasse sent pas mal meilleur. Un petit peu. Ah oui? Ça sent. Ça sent moins le poisson. Ça sent juste le popcorn. Ah, j'étais peut-être pas là dans ce temps-là. Ça vient d'être enlevé? Non, ça fait quoi? 2 ans peut-être qu'il n'y a plus de micro-ondes? 1 an et demi? Ah, je sais pas si longtemps que ça. Ouais, c'est ça. J'étais pas là. T'as manqué l'époque où il y avait des micro-ondes à la chasse-galerie. Eh là là. Misère. Donc, on a parlé du local. Oui. Les activités, tu les rappelles? Oui. Donc, on a l'escalade qui est le 1er décembre, donc demain. Oui. Qui est à 7h le soir. Excusez-moi, j'avais oublié de mentionner au début. Là. Important quand même. Ben oui, quand même. 7h le soir, 15$ pour les personnes qui ont besoin là, d'un équipement, 12$ pour les personnes qui l'ont déjà. Donc, il n'y a pas une grande différence non plus. Puis, autant pour les personnes qui sont débutantes que les personnes qui ont leur attestation. Tout le monde peut venir, c'est vraiment pratique libre. Donc, il va y avoir des personnes plus expérimentées qui vont pouvoir aider les personnes débutantes. Ça va se faire vraiment comme ça. Puis, l'inscription peut se faire ce midi même de 11h30 à 14h au local que j'ai parlé un peu plus tôt. Ensuite, on a également la conférence du 16 décembre qui est à la Chasse-Galerie et que c'est gratuit. Donc, on parle là, de la conférencière Gitane Charon. On va parler là, voyage, destination et astuces. Génial. Si jamais on n'a pas le temps de passer au local du QTR ce midi, on peut-tu comme juste se pointer là-bas? Ouais, les gens peuvent-tu faire ça? Ou faut absolument être inscrit à partir de ce midi? C'est une maudite bonne question. Il y a une page Facebook pour le moi, demander. C'est ça. Vous pouvez le demander sur la page Facebook, mais moi, je vous dirais normalement, là, si je ne me trompe pas avec ça, il faudrait quand même qu'on arrive avec un nombre de personnes fixes là, quand on va arriver là pour dire ben on est temps. Mais en même temps, j'imagine que si tu arrives là-bas avec ton 15$, ça va être quelque chose qu'on va pouvoir répondre justement là, sur la page Facebook. Oui, via les médias sociaux. Puis sinon, ben vous pouvez passer un petit 2 secondes au local puis demander. Ça, les personnes qui organisent l'activité là, vont pouvoir vous répondre vraiment mieux que moi. Génial. Donc, page Facebook, c'est UQT_AIR. Exactement. Donc, UQTR ou UQTAR. On peut prononcer des deux façons. Le débat continuera pour toujours, sauf qu'on sait que j'ai raison à la base parce que tout le monde le dit. Ah. C'est UQTR, c'est un jeu de mots avec UQTR. C'est un jeu de mots. Mais il faut faire des jeux de mots pour comprendre les jeux de mots. Hey, tu sens bon, Catherine Langlois, pour l'instant. Ben, c'est gentil. Dans 2 semaines, on verra si tu peux continuer ta chronique avec l'odeur de poisson. Bon, ben, c'est bon, ça. C'est les lundis à 9h. Merci, Catherine Langlois. Ben, merci à vous. Bonne journée. Toi aussi. On se quitte avec Ariane Zita. Soyons sauvages, comme des huskies. Comme des huskies. Tu vois, c'était si bien choisi comme thème musical ce matin. Tout ensemble, la Jouki. Chaque jour tu me fais oublier. Ariane Zita, la pièce Soyons sauvages. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. 10 jours après avoir subi un avortement, les docteurs entendent un cœur battre dans son ventre. Michel et Ross Wee, deux amoureux qui vivent à Newbridge en Irlande, avaient déjà 2 enfants. C'est donc avec une joie immense qu'ils ont appris que la famille s'agrandirait bientôt. Alors que Michel était enceinte de 6 semaines, une forte douleur s'est manifestée dans son ventre. La jeune femme n'a donc pris aucun risque et s'est immédiatement rendue à l'hôpital où elle aura ensuite appris qu'elle avait malheureusement perdu son bébé. Les médecins ont alors prescrit à Michel 2 pilules qui sont normalement utilisées pour provoquer un avortement. Cette mesure est prise pour nettoyer l'utérus et prévenir toute infection potentielle. La jeune maman a évidemment suivi les instructions des médecins en avalant les cachets. 10 jours après avoir subi ce traitement, Michel devait à nouveau subir un test de grossesse afin de s'assurer que les médicaments avaient bien fonctionné, oui. À la grande surprise des médecins, non seulement le test de grossesse affirmait que Michel était toujours enceinte, mais en plus, on pouvait distinguer un second battement de cœur. Et oui, Michel était en fait enceinte de 2 jumeaux. Et seulement l'un d'eux avait réussi à se rendre à terme. Maintenant, le système demeure toujours irrésolu quant aux raisons expliquant que le second fœtus ait survécu à la fausse couche et même aux pilules d'avortement. La petite Mégane a maintenant 18 mois et se porte à merveille. Une belle histoire. Ça, on aime ça comme ça. Mort du plus grand polygame d'Afrique. Oui, vous avez bien compris. 300 enfants, 130 femmes. Il est décédé à l'âge de 91 ans. Le Kenyan Ansatus Akuku, donc, avait 91 ans. Il avait 130 femmes et près de 300 enfants. Ce nonagénaire, dont le surnom était Danger, est un membre de l'ethnie Yuo, la même que celle du père du président américain Barack Obama. Selon la légende, aucune femme ne réussissait à lui résister. « Je suis comme un aimant magnétique », se plaisait-il à dire quand il parlait de lui-même. Mais qui est quand même passé par 85 divorces des femmes qui m'avaient trompé, ce qui est inacceptable. Il affirmait placer la moralité de ses épouses au-dessus de tout. Lui avait le droit de fourrer avec 130 femmes différentes, mais fallait pas que ses femmes soient infidèles. Ça se fait pas, ça. C'est inacceptable. Donc, très attaché à tous ses enfants et ses épouses, il avait bâti autour de sa famille un véritable empire. Riche propriétaire terrien, commerce au détail, agriculture, transport, le polygame était prospère en affaires et tout ça était géré au sein de la fratrie. Son premier fils, un médecin qui est âgé de 70 ans alors que sa cadette n'a pas encore 10 ans, il a choisi personnellement le nom de tous ses enfants. Il a d'ailleurs personnellement organisé l'enterrement de 55 d'entre eux et d'une trentaine d'épouses. Hors la loi, eh bien, interdite au Kenya, la polygamie est pratiquée dans le cadre de la coutume. Le vieux polygame est enterré près de l'église de son village qui lui-même avait construit non loin des 2 écoles qu'il finançait pour assurer l'éducation de ses propres enfants. Il y a eu de grandes funérailles en présence de personnalités nationales et locales et surtout toutes ses épouses actuelles et anciennes ainsi que ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Il laisse plus de 1500 descendants. Quand même assez particulier comme histoire. Le plus grand polygame d'Afrique s'est éteint. C'est triste. Barbie serait-elle une espionne branchée? C'est une question qu'on se pose comme ça dans cet article. Blonde et toujours aussi niaiseuse, la poupée Barbie de Mattel, pas vraiment, estime un spécialiste en sécurité informatique qui vient de mettre à l'épreuve la toute nouvelle version connectée de la célèbre poupée. Résultat, une fois liée au réseau Wi-Fi d'une maison, elle ouvre grand la porte au piratage des systèmes et à l'espionnage des personnes qui se trouvent autour d'elle. C'est assez troublant. Pour Matt Jabubowski, chercheur en sécurité adoptée aux États-Unis. Le nouveau jouet de Mattel, baptisé Hello Barbie, est présenté comme la première poupée interactive. N'est surtout pas à prendre avec des pincettes. Il ne faut pas la prendre avec légèreté, la légèreté qu'elle incarne. Et c'est ce qui vient d'indiquer sur les ondes de NBC. Pour cause, l'objet, à l'image de l'assistante personnelle Siri de Google ou de Cortana de Microsoft, est en effet équipé d'un système de reconnaissance de la parole ainsi que d'un branchement à Internet, ce qui lui permet d'entretenir une conversation plus ou moins réaliste avec l'enfant qui s'amuse avec elle. Donc, que du jeu, pas vraiment, dit Matt Jakubowski, qui a réussi facilement à accéder aux fichiers sonores contenus dans la poupée et à entrer dans les données personnelles qu'elle contient, dans le réseau sans fil sur lequel elle était branchée, mais également subtilement de détourner le microphone du jouet à son avantage pour écouter les conversations dans la pièce où même elle se trouvait sans éveiller les soupçons des personnes aux alentours. Une fois sous le contrôle d'un pirate, Hello Barbie pourrait voir son système de communication utilisé pour lui faire dire tout ce que le pirate souhaite. Lors de son lancement en mars dernier, les gardiens des libertés civiles avaient attiré les regards sous le caractère possiblement intrusif de ce jouet sans que Mattel et que la compagnie Toy Talk, qui lui ont donné naissance, ne s'en inquiètent outre mesure. Fin octobre, un groupe de pression militant contre la surconsommation du temps des fêtes a d'ailleurs lancé une campagne visant à freiner la prolifération de cette fameuse poupée branchée, ainsi éveiller les consciences de sur son caractère néfaste sur la vie privée. Les deux compagnies n'ont pas encore indiqué comment elles comptait composer avec les préoccupations sécuritaires soulevées par Jakubowski. Moi, je comprends, puis je suis parfaitement d'accord avec M. Jakubowski. Sauf que tout le monde, en 2015, quand je dis tout le monde, là, je dirais 90% des personnes, ben, ont déjà un espion personnel avec votre téléphone. Il y a déjà une caméra qui peut être utilisée tout le temps, un micro qui peut être utilisé tout le temps, un GPS pour savoir où vous êtes. Qu'est-ce que ça change de plus, une Barbie? Sérieusement, vous êtes déjà fiché, vous êtes déjà suivi. Et quand je parle de vous, mais moi aussi, là, je m'enlève pas du lot. Nous sommes déjà suivis. Tu sais, à l'époque de Big Brother et de 1984, les gens avaient peur ou en tout cas craignaient une époque où un œil les surveillerait toujours. Maintenant, on traîne l'œil avec nous, on traîne le micro avec nous. Alors, qu'est-ce que ça fout? Là? Le monde s'en fout complètement. Maintenant de la vie privée. Des jeunes d'aujourd'hui qui sont toujours avec leur téléphone, qui viennent me parler de vie privée, moi, je m'excuse, mais je vais me mettre à rire en me tapant sur les cuisses. Restons justement dans le mode du numérique. On nous dit que le numérique est néfaste justement à la coquetterie. La scénariste et réalisatrice allemande Elvin Schell a eu 60 ans cette année et même si elle aurait préféré que personne ne le remarque, le monde entier est désormais au courant. C'est normal, le tribunal de Munich vient en effet de débouter la personnalité publique en mai dernier qui avait traîné en cour Wikimedia, propriétaire de la célèbre encyclopédie Wikipédia, pour que l'organisme retire la référence à son âge dans la page qui lui est consacrée. Selon elle, cette est personnelle. Elle est née en 55. Ça révèle de sa vie privée. Sa publication sans son consentement est une violation de son intimité, indique le document qui a été déposé en cour. L'argument n'a pas été retenu par le tribunal qui estime que la publication de la date de naissance de la créatrice dans Wikipédia n'enfreint en rien les lois qui protègent la vie privée. Et ce, parce que cette date de naissance provient d'une source externe dont Mme Schell n'a jamais contesté le caractère public, un livre qui parlait de sa vie et de sa carrière. Qui plus est, en tant que personnalité publique, Mme Schell estime le tribunal voit par le fait même certaines informations concernant concernant qui deviennent d'intérêt public, particulièrement celles comme une date de naissance qui permet de situer son âge dans son œuvre, une décision dont se réjouit Wikimedia dans un billet de blog que l'organisme vient de publier. L'affaire Schell, tout en rappelant que la coquetterie n'est visiblement pas soluble dans la nouvelle réalité numérique, allonge également la section exemple de la page Wikipédia consacrée à elle, à l'effet Streisand, ce phénomène médiatique apparu dans les dernières année qui, en passant par la polémique ou l'indignation, donne de l'ampleur à une chose qui normalement serait restée secrète si on n'avait pas attiré les regards déçus. Mais ça, c'est tellement vrai, hein? L'affaire va également coûter cher à la réalisatrice sexagénaire. Le tribunal allemand lui a ordonné de payer l'ensemble des coûts liés à cette poursuite. Ben oui, elle voulait pas que les gens sachent son âge. Mais c'est pas un secret d'État, ton âge. C'est triste de même. Ici, bien intéressant à voir en photo, c'est si les fast-food étaient des drapeaux. C'est sûr que c'est de l'insolite, c'est sûr que ça sert à rien, mais je vous parle de vexillologie, qui est l'étude très sérieuse des drapeaux et des pavillons. Une science peu connue, oui, la discipline peut sembler rébarbative, mais c'est sans compter sur la créativité de certains passionnés comme cet utilisateur du réseau social Reddit, identifié sous le pseudonyme LOLKIWOI2. Ce néo-zélandais passionné a imaginé à quoi pourraient ressembler les drapeaux de fast-food si Burger King était un état. Son drapeau serait, et puis avant même qu'il dise, j'étais là, ben je suis sûr que ce drapeau-là, c'est Burger King. C'est un carré bleu avec un rectangle jaune, un grand rectangle rouge et un autre rectangle jaune. Ça ressemble vraiment très, très graphiquement à un hamburger, puis ça ressemble vraiment aux couleurs de chez Burger King. Fait que c'est de même. Contacté par le Huffington Post, LOLKIWOI2 a expliqué avoir réalisé l'ensemble de ses drapeaux en 1h30 grâce au logiciel FlagMaker 1.7. Ça, je trouve ça intéressant. Pour vrai, le logiciel FlagMaker, c'est donc bien cool. Je les ai créés parce que je m'ennuyais et que c'est toujours amusant de voir ce qu'on peut faire avec des drapeaux. J'ai essayé d'utiliser les couleurs officielles. Je m'apprêtais à en faire plus, mais j'ai manqué de temps. Donc, le 30 novembre dernier, il a posté sur Reddit 6 de ses créations qui représentent les 6 fast-foods célèbres de ce monde, de notre monde, qui est très grand, mais pas tant que ça quand on se lit, en tout cas, ou le rapport, en tout cas, entre les humains sont le fast-food, parce que ces fast-foods-là sont partout, hein, vraiment. Donc, 2 secondes, attends un peu, je vais aller voir ça. Le premier drapeau, eh bien, rouge et bleu, avec un symbole très graphique. C'est déjà presque un drapeau. C'est le drapeau de chez Domino's Pizza. Il y a un drapeau qui nous fait penser un peu au drapeau du Japon, sauf qu'on a ajouté des bandes horizontales rouges. Un cercle rond, bien sûr, au milieu. Un cercle rond. Ça, c'est beau ce que je dis. Un cercle rouge avec la face du colonel dedans. Un beau drapeau jaune et rouge avec un M pour McDo. Le Subway, tout simplement un grand rectangle vert, du blanc et du jaune. Mais les jaunes, vraiment les couleurs officielles. Le drapeau de chez Taco Bell, un drapeau bleu indigo, et la fameuse cloche. Et un autre truc qui est intéressant, cette fois-ci, c'est ça n'a pas rapport avec les fast-foods, mais il a fait le même exercice avec les browsers. On voit les drapeaux de Google, on voit le drapeau de Firefox, le drapeau de Explorer, etc. Vraiment intéressant, mais moi, ce que je vous dirais, ce qui est le plus intéressant, je pense, c'est d'aller jouer avec le petit logiciel FlagMaker. Je pense que ça peut être vraiment très, très intéressant pour faire un peu la même chose que cet utilisateur de chez Reddit, le FlagMaker. Vraiment, je vais vous mettre, je pense, en lien, le lien pour aller le downloader, ce FlagMaker. Ça pourrait être intéressant. Donc, je vous envoie ça. C'est déjà rendu sur la page Facebook du Dîner de Cons. Si vous voulez en faire autant et puis détourner certaines publicités, certaines marques avec le FlagMaker 1.7. C'est un petit logiciel gratuit. Je pense, par exemple, ça semble être seulement utilisable sur PC. Pas de version Mac. Oui, OK. Ouais, ça, c'est magnifique. Un peu encore ici. La femme... Oh, ça, c'est magnifique. La femme qui a couché avec 10 091 hommes. Eh bien, cette femme cherche l'amour. Eh bien, oui. Attends un peu. Hey, comment ça qu'on l'a pas... Aïe, aïe. Gay, on va dessus. Attends un peu, c'est parce que j'ai pas... Tu sais, c'est ça, en ce moment, ça a popé, tout ça. Mon article était pas prévu. Il vient de s'en aller. On va l'essayer. Tiens, on va voir avec une autre place, parce que là, mon lien me disait qu'il fallait que je paye pour avoir l'article, ce qui m'arrive à peu près jamais. Donc, cette femme qui s'appelle Gwyneth Montenegro, ancienne escorte qui affirme avoir couché avec plus de 10 091 hommes, eh bien, elle cherche maintenant l'amour. Après sa carrière d'escorte, la femme de 36 ans avait choisi de se consacrer à d'autres passions, notamment comme pilote d'avion de ligne et comme auteur aussi, préférant délaisser les hommes. 3 ans plus tard, et avec la sortie de son livre retraçant son parcours, Montenegro affirme être prête à faire place à un homme dans sa vie. Seulement un? En tout cas, elle dit « J'y réfléchis, j'aimerais ça », a-t-elle expliqué au Daily Mail. « Je n'ai jamais connu le vrai amour, ni même la sensation d'être amoureuse. » Depuis l'apparition de son livre et l'attention médiatique qui s'en est suivie, l'ancienne escorte dit avoir reçu 80 demandes en mariage. Ses prétendants devrait toutefois s'attendre à une femme de caractère. Je ne suis pas de tout repos, je suis entêté, déterminé, je préfère les hommes confiants, des leaders, mais pas du genre pompeux. Il n'a pas à être mannequin ou pompier musclé. J'arrêterai mon choix plutôt sur quelqu'un qui a le sens de l'humour. Hein? Ça, c'est bien. Et restant dans le domaine des escortes, il y a d'autres articles qui nous ont sortis. Ils disent « Des escortes vous transforment en un amant meilleur, semble-t-il. » Le saviez-vous? Eh bien, il dit « Je connais pas Gwyneth Montenegro, qui doit certainement avoir de bons conseils à donner aux hommes pour être meilleur amant, mais si mes copines qui travaillent dans l'industrie du sexe n'ont pas autant de relations sexuelles que Gwyneth, elle affirme avoir batifolé avec 10 091 hommes, eh bien, elles ont quand même beaucoup d'expériences généreuses. 6 d'entre elles m'ont confié ce qu'elles considéraient comme l'essentiel pour d'une femme heureuse au lit. » Alors, c'est les petits conseils de professionnels du... C'est pas là des sexologues ou une étude... Non, c'est des professionnels de la chose. L'écoute est plus importante que la taille de ton pénis. Donc, écouter, ne pas faire ce qu'il pense être bien, mais écouter, de ne pas avoir peur de se tromper, de recommencer. Surtout la première fois, on prendra son temps pour écouter l'autre. Lui dire qu'elle est belle partout, partout, partout. La plupart des femmes sont mal à l'aise ou très peu à l'aise avec leur vagin. Oh, je pense que pour qu'un homme ait 100% de tout ce qu'une femme peut être dans une relation sexuelle, il doit bien trouver son sexe beau et lui dire, comme ça, elle acceptera de l'ouvrir ou de s'ouvrir à tous les plaisirs possibles. Être conscient de l'énergie de sa partenaire. Prendre son temps à respirer, apprendre comment fonctionne l'énergie, toujours la donner, ne jamais la voler, jamais la tirer. Donner de l'énergie. Ne jamais avoir l'orgasme comme but ultime. Je dirais ne pas chercher à ce que la fille ait un orgasme ou plusieurs orgasmes à tout prix. La fille prend son pied à faire jouir son mec et aussi peut avoir du plaisir au max sans nécessairement atteindre l'orgasme chaque fois. Ce n'est pas mieux si le mec ne tient pas en compte du plaisir de la fille par contre ou s'il pense juste à son plaisir ou s'il pense juste au plaisir de la fille, le gars, il se fait plus de fun. Hein? La porno et les insultes ne sont pas toujours à proscrire. Aha. En général, les mecs croient que les femmes ou les filles n'aiment pas la porno et qu'elles trouvent ça dégradant, alors que moi, j'adore. Je crois que ça peut être utilisé aussi dans une relation à deux, par exemple. J'échange des sites web avec mon chum. Parler cochon en baisant, ça peut être super excitant dans la vie. Je n'aime pas me faire traiter de salope, mais au lit, il faut faire la différence entre ce qui se passe au lit et ce qui se passe ailleurs. Être féministe ne veut pas dire que c'est impossible de se faire dominer au lit. C'est important de s'en parler avant. Hein? C'est assez éclairant, ce petit paragraphe. Et de l'action, mais en douceur. S'informer de ce qu'elle aime, où elle aime être touchée, comment, et la faire sentir comme une créature sublime qu'on admire et qu'on caresse en douceur, mais constamment avoir les mains chaudes, pas moites, la regarder dans les yeux la moitié du temps et regarder le reste de son corps, la complimenter, la faire languir et la soulager avec des baisers, des morsures, des petites tapes, des caresses, lui donner un pourboire. Si c'est une travailleuse du sexe, oh ben là... Non, mais là, on parlait, moi j'étais là, je voyais déjà ma copine là, qui trippe, mais là, tu donnais du pourboire, OK. Et finalement, la respecter, ne pas considérer la fille comme un morceau de viande, ne pas foncer sur la fille comme un être désespéré. Effectivement, hein, mais c'est sûr qu'un gars que ça fait bien longtemps, là, mais peut-être qu'il y a plus de misère un peu à se retenir, comme on dit. Et tiens, on va finir avec ça. Des escortes font des révélations sur leurs clients. Mais là, j'ai le goût d'être resté là-dedans. Là. Ça me tentait pas d'aller jouer dans les niaiseries du reste. Tout ce qui entoure le travail du sexe me fascine. Je suis choyé ces temps-ci. Jean-Claude Laure dénonce l'hypocrisie collective et met en danger la vie des travailleuses du sexe dans le documentaire Les criminels. Chester Brown, lui, raconte ses aventures avec différentes prostituées dans la bande dessinée 23 prostituées dont il est question en lien via l'article. Cette semaine, donc, j'ai décidé, c'est qui? C'est Melody Nelson. a décidé de questionner quelques escortes de la connaissance, attends un peu, de sa connaissance, oui, afin de savoir ce qu'elles voudraient bien révéler sur leurs clients. Donc, les blagues et la confiance. Je déteste quand ils blaguent. Ils croient qu'ils sont les premiers à blaguer sur le fait que si j'ai du plaisir, c'est moi qui devra payer. Oh! Et autre truc, les blagues et la confiance, encore, l'attitude qui dérange certaines filles. Et dit, je travaille en Ontario et Québec. En Ontario, mes clients sont plus polis et moins exigeants. Jamais un Ontarien m'a demandé de faire jamais un Ontarien m'a demandé de faire quoi que ce soit sans condom. C'est notre côté un peu trop latin, un peu trop français, hein? Je n'aime pas quand les clients posent des questions personnelles. Je ne veux pas de stalker ni de gars qui tomberait amoureux de moi juste parce que je lui donne de l'attention. Certains ont l'air d'oublier qu'ils m'ont payé. Ceux qui sont mariés sont plus stressés. Ils m'écrivent par courriel toutes leurs recommandations. Je ne dois pas porter de parfum ou pas de maquillage. Un homme a voulu que je me coupe les ongles. Je n'ai pas compris pourquoi, mais je ne l'aurais pas, oui, je n'ai pas compris pourquoi. Pourtant, je ne l'aurais jamais griffé. Je suis une escorte depuis 8 ans, on et off. Je me sens respectée quand je travaille. Je n'ai jamais eu de problème. Sauf une fois, un client m'a laissé un faux billet de 20$. J'espère qu'il n'y avait pas juste 20$ parce que ça fait pas cher le service. Si ça ne clique pas avec un futur client, je ne cherche pas à le rencontrer. J'aime mieux me sentir en confiance que de faire un maximum d'argent. L'un d'eux m'a motivé à apprendre le chinois. C'est le fun de nouer une relation qui n'est pas uniquement sexuelle. Effectivement, particulier. Ne jamais sous-estimer l'apparence. Je préfère quand même quand mes clients sont beaux, mais ça ne garantit pas un orgasme. Je ne jouis pas souvent. Ça me surprend encore quand j'ai du plaisir avec des hommes que je n'aborderai jamais dans la vie de tous les jours. Je suis assez sévère au niveau de l'apparence. J'ai des règles plus sévères que le casino de Montréal. Je n'accepte pas les clients qui sont en linge mou ou qui n'ont pas l'air propre. Mes clients sont surtout des hommes d'affaires canadiens et américains. Ils ont dans la quarantaine ou la cinquantaine. Ça continue. Je vois l'heure qui avance. On n'a pas le temps de toutes les faire, mais vraiment, allez voir ça. Les liens sont sur la page Facebook du Dîner de con. C'est vraiment des vraies sorties, là. Je vais juste pour le fun. Je sors au resto avec mes clients, avec l'un d'entre eux. Je vais souvent au hockey sans que ça se termine au lit. Mes clients ne sont pas des obsédés. Ils aiment passer du bon temps au lit ou en mangeant du tartare. J'ai un client qui veut uniquement dormir avec moi. Je passe la nuit chez lui une fois par semaine. Il me tient la main en s'endormant. Je me lève pour regarder mes courriels ou pour fouiller dans son réfrigérateur. J'aime les clients bizarres. J'en ai un qui moule mes pieds dans le plat. Il doit avoir au moins 10 sculptures de mes pieds chez lui. Et là, ça continue. J'étais trop pris dans cette lecture très, très enrichissante. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. On accueille avec grand plaisir, générosité, gracieuseté d'âme. Nous accueillons tout le monde, les mendiants qui viennent passer devant. C'est quoi ça? Les mendiants qui passent devant le studio. Mais on est neuf de bienfaisance comme la grande guignolée. OK. On vous offre un spot à la radio. Non, c'est pas vrai. Oui, c'est ça. Venez nous raconter votre histoire. Ça pourrait être intéressant, mais à la place, on préfère entendre celle de Marie-Laurence Audet. Voici le loisir bien plus qu'un jeu. Marie-Laurence Audet, l'électrisante Marie-Laurence Audet qui est avec nous. Bonjour à toi. Il dit ça après une panne de cours. Ah, bon bon matin. Mensonge! Donc, tu nous parles comme toujours de divertissement, de loisirs, de communautaire, de bénévolat, des trucs comme ça. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? À chaque fois, tu nommes tous les choix de réponse puis je choisis là-dedans de ben, quoi je parle. C'est pour t'aider, tu sais. OK, merci. Donc, des fois que t'aurais pas de sujet, tu sais, je t'en donne. Rendu là. C'est ça. Non, ce matin, je vais vous parler de l'expérience de loisirs inclusive qui est un... un concept qui date, mais qu'on parle de plus en plus, en fait. Ça a été publié dans le bulletin de l'Observatoire québécois du loisir par trois co-auteurs. Il y a eu Hélène Carbonneau, qui est une enseignante ici au département en loisirs à l'Université du Québec à Trois-Rivières. On a Roger Quentin, qui travaille à l'IRDPQ. Ça, c'est l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec. Okay. Puis, on a aussi Marc Saint-Onge, qui est avec l'Association québécoise du loisir pour personnes handicapées. Mm-hmm. En fait, la raison pour laquelle je décide de parler de l'expérience de loisir inclusif, c'est que c'est un sujet d'actualité, parce que dans le monde du loisir contemporain, Il y a beaucoup de questions d'accessibilité universelle, d'intégration, d'inclusion. C'est un sujet qui est dans plein de corridors, plein de lieux officiels. Donc... Dans les ruelles aussi, les mendiants parlent tout le temps de ça. Tout le temps. Non, mais c'est autant un sujet officiel, je dis par les médias, par les gouvernements, que des discussions de corridors à dire comment on pourrait adapter notre organisation pour être plus inclusif. Mm. Donc, partout, ça n'en parle. Mais c'est quoi réellement l'expérience inclusive de loisirs? Donc, des auteurs se sont penchés sur la question à voir comment on pourrait formuler ça de façon plus simple et... donner des idées aussi pour les organismes de qu'est-ce que c'en était et les arguments aussi pour pouvoir débattre leurs points. Donc, au niveau de tout le contexte présentement, la question du loisir inclusif, ça préoccupe vraiment plusieurs acteurs du milieu. Comme je disais, autant communautaire, gouvernemental, municipal, il y a de plus en plus de pression de la part des citoyens pour que l'ensemble des programmes offerts ou l'ensemble de l'offre soit accessible. Que le plus de gens possible puissent participer. Exactement, mais on parle toujours d'accessibilité, mais on s'attend à quoi? Parce que juste le mot accessible n'est pas interprété par tout le monde de la même manière. Ouais. En fait, comme je disais, la pression est de plus en plus grande, fait qu'on n'a pas le choix d'adapter l'offre. Et le concept de loisir inclusif, en fait, ça nécessite d'être clarifié parce qu'on se dit juste, ben oui, mais j'ai mis un ascenseur puis une rampe dehors pour que la chaise roulante puisse passer. C'est pas juste ça, l'adaptation. C'est pas juste ça, l'inclusion. Donc, il y a des auteurs aussi dans le scientifique qui se sont penchés sur la question puis qui abordaient l'intégration plus sous forme de continuum à dire on va adapter puis on va pouvoir rendre la personne jusqu'à l'activité. Sauf que rendu là, vu que c'est plus ou moins bien fait avec plus ou moins d'informations, la personne qui vit avec des incapacités se retrouve plus spectateur. Donc, elle se rend à la partie de basketball, c'est beau, elle a une rampe puis un ascenseur, peut se rendre dans les gradins. Mais on n'a jamais pensé à l'activité en soi. À jouer en tant que tel au basketball. Exactement. Ouais. C'est comme si on parlait juste d'intégration comme d'accessibilité à se rendre, mais après, là, d'être sur le terrain, c'est une autre affaire, là, on n'est pas rendu là. Chacun sa place. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on parle pas juste d'intégration, plus physique, mais on veut parler d'une expérience qu'on offre à la personne. Ça peut être autant dans les gradins qu'en train de jouer, mais une expérience au-delà de ça. Il y a aussi de dire... C'est quoi exactement, comme je disais tantôt, l'accessibilité? Donc, le Conseil québécois du loisir le définit. C'est la possibilité d'accéder à une activité, à un lieu de pratique, à un équipement. Donc, ça, c'est l'aspect physique, comme je vous parlais. Mais il y a aussi la capacité de comprendre et de pratiquer. L'accessibilité de l'information, d'utiliser le bon langage avec le bon public. On a aussi l'accessibilité financière. Puis, on a la qualité aussi de l'échange puis de l'activité. Donc, la personne qui le vit s'est sentie compétente et valorisée à travers les éléments qu'elle maîtrise puis qu'elle possède. Au lieu de toujours axer sur l'élément qu'elle possède plus ou qu'elle possède pas, est-ce qu'on peut valoriser son potentiel qui est peut-être ailleurs? Il y a peut-être une force qui peut faire partie de l'équipe quand même. Ouais. Donc, à ce moment-là, on a dit qu'il fallait parler d'intégration au groupe et pas juste l'amener dans le groupe, mais d'intégrer les échanges, de faire aussi une conscientisation sociale aux autres pour qu'il y ait une ouverture à accepter la personne. L'accessibilité, c'est aussi d'être accepté dans le groupe. Oui, c'est ça. Donc, un groupe de personnes qui n'a pas les mêmes problèmes que cette personne-là. Exactement. Ouais. Puis on parle toujours d'une personne, non pas... Ça, c'est un jeu... On dirait qu'on joue ses mots, là, mais c'est vraiment une grosse différence dans le milieu. On ne parle pas d'une personne qui est handicapée. On parle d'une personne qui vit avec un handicap. Parce qu'au final, si on adapte l'environnement, la personne n'est plus handicapée. Oui, c'est ça. Parce qu'handicapée veut dire qu'elle pourrait pas faire quelque chose. Exactement. Puis au final, on est tous handicapés quelque part. Ouais. C'est l'environnement qui fait en sorte que... Le meilleur exemple que je peux donner, c'est si je décide sur ton mur d'installer une tablette qui est à 8 pieds de haut. Est-ce que tu es capable de l'atteindre? OK, toi, oui, attends. Moi, oui. Ouais, mettons là que je mets une tablette à 15 pieds de haut. OK, non. Est-ce que tu es capable d'aller chercher le livre? Non. Ben non, parce que c'est pas adapté pour toi. Pourtant, l'autre à côté qui est sur l'échelle va être capable d'aller le chercher. Ouais. Si on l'avait mis à 3 pieds du mur, tout le monde aurait été capable. Ça aurait pas changé que le but était d'aller chercher le livre sur la tablette. Tout le monde y était arrivé. C'est ça. On n'a pas changé l'essence même de l'activité, mais on a permis à tout le monde de se valoriser à travers ça. Le seul handicap qu'on peut pas régler, c'est ceux qui ont un handicap social. Ils sont pas capables de s'intégrer parce qu'ils veulent pas rencontrer encore personne. Là, oui. Tu peux, oui. Ben oui, parce que c'est souvent, ils arrivent avec une fermeture en se disant « je serais pas accepté », mais peut-être que si on prend le temps de voir la personne ce qui l'effraie par rapport à ça, on va pouvoir l'aider. Peut-être qu'elle aime juste plus les petits groupes. Peut-être que c'est aussi l'ouverture des autres qui a voir reculé en arrivant, fait qu'ils sont pas portés à la voir parce qu'il y a un malaise. À un moment donné, tout est possible à adapter. Un environnement physique comme un environnement social, ça brise un handicap. Donc, la personne n'est pas handicapée, elle est en situation d'handicap parce que, vu présentement, mettons, elle a pas de jambe, puis qu'elle est en chaise roulante, puis qu'il y a pas d'ascenseur, ben elle peut pas se rendre en haut. Présentement, si elle a pas de jambe. Si elle y pense mais vraiment un jour, dans elle la même, oui, mais dans la même situation physique avec un ascenseur, elle se serait rendue au deuxième étage. Ouais. Donc c'est vraiment ça sur lequel je tenais à insister aussi. Bien dit. Puis faut arrêter de quand on a défini les mots de OK, c'est la possibilité d'accéder au lieu physique, d'accéder à l'information, d'accessibilité au niveau financier. Faut pas se limiter à ça. Faut aussi, dans le fond, penser à tous les intérêts, les attentes, les besoins de la personne. Si on vient juste à dire, ben c'est parfait, on a mis ça gratuit, on a mis un escalier, un ascenseur, on a mis une rampe, on a, tu sais, tout est adapté. Mais au final, c'est pas ça l'activité que la personne voulait faire. Elle voulait faire de la peinture, puis on vient d'installer du basketball adapté. Ouais. C'est aussi de voir dans ta clientèle quels sont leurs intérêts, quelles sont leurs attentes. Et c'est ça l'expérience de loisirs inclusifs qui va au-delà de l'accessibilité, mais qui leur permet de vivre un bon moment. Il y a aussi une autre étude qui parlait des possibilités de l'expérience de loisirs inclusifs et qui disait, un peu comme sur un continuum, donc imaginez un peu une flèche. Tu sais, une flèche qui est les deux bords. Oui, oui, oui. Donc, différentes sphères dans lesquelles il y a, ou il devrait, ou il pourrait avoir du loisir inclusif. On part du bout où est-ce que ça parle du loisir adapté dans les milieux spécialisés. Ben, on dit, mais c'est évident. On s'attend à ce qu'un centre qui vise la clientèle de personnes en chaise roulante soit adapté. C'est parce logique, que ouais. C'est sa clientèle ouais. directe. Fait que ça, on dirait que ça, c'est pris pour acquis dans la société. Quand c'est un lieu spécialisé, les loisirs sont déjà tous adaptés, la programmation est faite en fonction. Mais est-ce qu'ils doivent s'adapter aux gens qui n'ont pas de situation d'handicap? Ben oui, aussi. La preuve, c'est que, par exemple, le basketball en fauteuil roulant... Oui, c'est cool, ça. C'est pas juste cool. offert à ceux qui sont en fauteuil roulant. Ah, je savais pas ça. Peut faire partie d'une équipe. Ah. Ouais. En fait, comment ça fonctionne? Parce que, au Jeu du Québec, j'accompagnais l'équipe, fait que je connais tout comment c'est ça fonctionne. C'est cool. Parle-moi. Comment ça fonctionne, c'est que... Quand tu te fais évaluer pour rentrer dans l'équipe, c'est pas pour savoir si t'es pris ou pas pris, c'est pour savoir combien tu vaux selon tes handicaps. Okay. Ils te placent sur une chaise. Tu sais, t'es assis et tout, comme tu vas jouer. Fait que toi, t'arrives avec des jambes, puis l'autre qui arrive avec pas de jambes, sur le jeu... Avec sur pas une... de jambes. Non, mais... C'est une okay. drôle de façon de le dire, okay. mais OK. Je vais donner un autre exemple. Non accompagné. Mettons, toi, Mathieu Plante, t'arrives. Oui. Tu t'assois dans le fauteuil. Oui. T'auras plus besoin de tes jambes pour le reste de la partie de basketball dans le fauteuil roulant. C'est ça. Parce que tes jambes sont comme tapées. Ben oui. La personne qui arrive avec une jambe en moins parce qu'elle a eu un accident va elle ou aussi. Ou congénitale. Ou peu importe. Oui. Va elle aussi être dans la même situation qu'elle n'a pas besoin de jambes dans ce sport-là. Donc, c'est pas un handicap présentement. Non, c'est ça. Et chaque personne vaut 5 points. Et à chaque fois qu'il calcule que tu as des handicaps qui vont nuire à ta pratique, tu diminues de points. Ah. Fait que, mettons, toi, tu as de la difficulté avec l'appréhension à prendre le ballon parce que tu as une difficulté au niveau de la musculaire, motricité de tes mains. Hmm. Peut-être que tu vaux un 4. Peut-être qu'au niveau de la force de tes bras, tu as de la difficulté à lancer plus loin qu'à un pied, bien, tu vaux 3. Et ce qui fait que chaque personne a un chiffre dans l'équipe, mais c'est pas dégradant. C'est que chaque équipe sur le jeu peut pas valoir plus que 15 points. Okay. Fait qu'à ce moment-là, tu as le droit d'envoyer un joueur plus fort, mais il faut qu'en compensant, tu envoies un joueur qui a plus d'handicap ouais, aussi. Ouais, ouais. Fait que chaque équipe, peut-être que tu as juste mis des joueurs, je dis moyens, tu sais, qui ont toutes 3. Ouais. Peut-être que tu as décidé de mettre tes forts 5, mais avec des 1. Mais l'autre équipe, tu sais pas ses stratégies non plus. Ah, c'est fort, ça. Donc, chaque équipe dans la ligue doit valoir 15 points quand elle est sur le jeu. Mais après, le coach va jouer avec ça. OK, je reprends deux moyens, j'envoie un plus fort avec un plus faible wow. en termes de points. Fait que chaque personne sait ce qu'il vaut, mais il sait qu'il va avoir quelqu'un pour compenser à son niveau, à son niveau d'handicap. Fait que c'est pas dégradant comme chiffre ce que tu vaux. C'est cool. Fait que dorénavant, je vais pouvoir dire à une fille à elle, c'est clairement 4. Clairement. Tu diras que c'est sur 5. Ouais, c'est sur 5, oui, c'est ça. Donc, à ce moment-là, c'est de penser à toute l'adaptation autour. Puis ça, là, je parlais de lieux spécialisés, de loisirs adaptés. On dirait que ça va de soi. Je suis content que tu aies fait la parenthèse sur ça. Je trouve ça pour vrai? Oui. C'est vraiment intéressant. Pour vrai, si vous avez la chance d'essayer ça un jour, là, il y a des centres qui en font des fois pour des activités de financement qui offrent à la population de venir participer. C'est vraiment, vraiment... vraiment le fun, j'ai essayé. Il y a aussi les loisirs adaptés dans la communauté. Alors là, t'as dans les lieux un centre sportif ou une école, tu dis, OK, on a pensé à mettre une rampe, on a pensé à mettre un ascenseur, on a pensé à écrire en braille à côté de l'entrée. Oui. Donc, on en voit de plus en plus. C'est pas encore partout. Non, c'est ça. Mais on les pense, remarque tellement qu'il n'y en a pas partout. On pense quand même de plus en plus ouais. et la population, avec sa pression, s'attend de plus en plus à avoir ce genre de service-là offert dans la communauté. Il y a aussi le loisir, là je continue sur le continuum. Oui, sur la flèche de gauche à droite avec deux extrémités. Donc, le loisir accompagné, on va plus le remarquer par exemple dans les camps de jour. Oui. Tu as dans un groupe un jeune qui vit avec une situation d'handicap, et qu'il y a son éducateur spécialisé qui le suit, que ce soit un jeune en fauteuil roulant, un jeune à troubles de comportement ou autre. Lui, il nécessite une aide personnalisée qui va être capable, s'il y a un problème de discipline ou un problème de comportement ou un problème niveau physique d'accessibilité pour se rendre à la salle de bain parce qu'il peut pas, il y a quelqu'un en tout temps pour l'aider, mais il fait quand même partie du groupe. On a le loisir au soutien aux animateurs. C'est que dans le fond, on forme les animateurs de groupes, je dis réguliers, où est-ce que les jeunes n'ont pas d'handicap qui pourrait nuire à leurs activités. Et à ce moment-là, on les forme à intégrer un autre jeune dans le groupe. Il n'y aura pas un éducateur spécialisé, ils n'auront pas une aide personnalisée, mais on prépare l'animateur à faire face à cette différence-là, autant pour préparer son groupe que pour savoir comment agir avec le jeune dans la vraie qui arrive vie. Avec une différence. Mm-hmm. Puis, on a le loisir inclusif qui est en toute liberté. On parle souvent de loisirs loisir libres, qu'on dit que les gens ne veulent pas toujours être organisés, qu'on veut offrir des pistes cyclables, des parcs et autres. Et dans ces structures-là, c'est aussi de penser au loisir inclusif et de penser à l'expérience qui va être vécue, de ne pas juste le voir comme un spectateur, comme quelqu'un qui va aller voir son frère, son cousin ou autre dans l'aréna. Peut-être qu'il veut lui aussi jouer. Peut-être que dans la programmation, on sait qu'on peut en offrir. Donc, voilà. C'était le continuum. Oui, le continuum de flèches à deux bords. Le continuum de flèches à deux bords. Pour faire une image dans votre tête. Puis en conclusion, dans le fond, je voulais vraiment revenir sur le point qu'une personne n'est jamais handicapée. Ça, je trouve ça vraiment le nerf de la guerre. C'est l'environnement qui la rend handicapée. Fait que si on est capable de comprendre ça puis d'adapter ce qu'il y a autour, on n'en aura plus de gens dits handicapés. Chacun peut l'être à sa manière, ben nous, on essaie de l'éliminer pour rendre accessible le loisir à tous. Parce que si au-delà de ses obligations, cette personne-là n'a même plus de temps pour elle à travers ses intérêts, ben à un moment donné, où est-ce qu'elle va aller pour son temps libre, pour faire ce qui lui tente? Il n'y a pas juste la télé dans la vie et l'ordinateur. Mais peut-être c'est le fun pareil. Oui, mais cette personne-là veut sortir de chez elle, veut être dans des groupes, pas juste dans des lieux spécialisés avec des gens qui sont aussi en fauteuil. Peut-être qu'elle veut aussi se mêler à la communauté parmi ses intérêts, que ça ne fait pas de différence, mais qu'elle n'a pas accès, comme j'ai tantôt, au cours de peinture, juste parce que c'est au deuxième étage du centre communautaire. Ouais. Est-ce qu'on n'est pas pire là-dessus, ici, à Trois-Rivières? On n'est pas les pires. Ouais. On est... non, mais... hey, ça, c'est un compliment. Non, mais on n'est pas les pires, dans le sens que, je vous dirais, les centres urbains sont beaucoup plus développés à cet effet-là. Ouais. Montréal, Québec, ils ont plus de ressources. Il y a plus de gens. Il y a plus de gens, il y a plus de ressources, il y a une plus grande conscientisation. Les bureaux chefs de ces organismes-là, mettons comme l'Institut de réadaptation de déficience physique, ils sont dans ces grands centres-là, mm-hmm. donc ils sont portés aussi rapidement dans leur territoire à adapter, plus qu'au petit village qui est à 9 heures de route, tu sais. Ils ont les budgets aussi. Mais je dirais qu'on n'est pas les pires. Tu sais, il y a des villages ou autres que ça ne s'est pas rendu nécessairement. Puis qu'il y a une personne dans le village qui est en fauteuil. Puis qu'on est porté à dire, ben là, on ne mettra pas en place un ascenseur pour une personne. C'est mais au final, ça peut personne-là. Aider à tout le monde aussi. D'en avoir un, ça va nuire à personne. Non, et peut-être que. Étant donné les personnes âgées vont être contentes aussi, tu sais, à un moment donné. Et si les endroits ne sont pas adaptés, c'est ce qui fait que les gens ne sortent pas de chez eux. Puis ils restent cloîtrés chez eux. Donc on ne les voit pas nécessairement sortir. T'sais. Ou les éléments qui font en sorte qu'ils n'iront pas vivre dans ces lieux-là. Exactement. Exactement. Moi, je suis toujours surpris, ça fait comme énormément longtemps que je travaille ici, vous savez. De ne jamais presque voir des personnes en situation de handicap. Il y en a. Il n'y en a pas autant que j'aurais pensé qu'il y en aurait. Je trouve ça spécial. Mais moi, j'en ai croisé quand même quelques-uns. Ouais. Peut-être que tu tiens. Tu sais, ça dépend. Mais si on est tiens pas bonne place. Non, mais si, mettons, eux, ils sont toujours au premier étage, toi, tes cours sont toujours au quatrième, ça se peut que tu les croises moins aussi, tu sais. Mais. Est-ce que le CAPS, parce que je sais que tu es quand même souvent au CAPS, toi, Marie-Laurence, est-ce que du côté du CAPS, ça se voit? Est-ce qu'on a des activités pour ces gens-là ici? Pas à ce que je sache, mais je peux pas m'avancer qu'il y en a pas. Non, on peut pas les accuser de ne pas le faire. Non, je peux pas les accuser, pas à ma connaissance. Je sais que l'UQTR s'est amélioré dans les dernières années. Mm-hmm. On a eu aussi des gens en ergothérapie qui sont venus donner des conseils à dire... Tu sais, quand on a construit le pavillon de la vie étudiante, juste les salles de bain, mais quand tu prévois ta toilette de personne handicapée, ce qui est un acquis, mais pas le crochet à manteau en haut de la porte. Au niveau de la structure, on avait une grande toilette. Oui, mais c'est au-delà de ça. Ouais. Tous les services, après, cette personne-là ne peut pas se laver les mains parce qu'elle ne peut pas se rendre le bras jusqu'au savon. Mais ou les peut plus pas... récentes, exactement. Maintenant, c'est fait. Exactement. L'abreuvoir aussi. Exactement, on a eu des conseils de gens en ergothérapie ou de gens qui sont habitués d'adapter cet environnement-là pour les gens qui vivent avec une situation d'handicap ou autre. Donc ça a été Ça a l'air logique, mais apparemment, il fallait leur dire. Oui. Mais c'est parce que la personne qui s'occupe de la construction des salles de bain a peut-être pas une conscience de cet élément-là. C'est pas son expertise non plus. On peut pas lui en vouloir. Lui a eu une commande, tu construis ça. Et ça a toujours été comme ça qu'on construisait ça avant. Ben, c'est ça, exactement. Puis si, de toute façon, dans son cours, on y a jamais dit, tu sais, il faut que tu y penses. Mais c'est ce que je trouve dommage. En 2015! Je trouve ça bizarre que pour être conscient de quelque chose, faut soit l'avoir vécu, soit connaître quelqu'un qui l'a. Moi, ça, je comprends pas cette affaire-là de « Ah, tu sais, mais non, c'est comme, j'encouragerais pas le cancer. Personne que je connais qui a le cancer. » Mais là, ou soit quelqu'un a le cancer dans ta famille, soudainement, tu veux te donner au cancer. Mm-hmm. Tu sais, ça prend tout le temps, on dirait, quelque chose qui se... Faut tout le temps que les gens reviennent à eux autres à la place de penser aux mais autres. Mais c'est drôle parce que tu dis « en 2015 », comme si on n'avait pas réussi à évoluer. Sauf que des fois, je trouve qu'on était mieux dans le passé alors qu'on avait une appartenance de communauté puis qu'on se disait « il y a une personne dans le village que ça, on va tous se mobiliser pour. » Alors que maintenant, c'est ça, on reste dans notre cours, c'est beaucoup plus individuel. Je mets moi, Mais aussi, il y a des sujets tabous. On n'est pas porté à penser qu'il y en a autant parce qu'on est en 2015, mais les gens, des fois, ne savent juste pas comment agir avec la personne qui est différente dans le groupe. Ils vont dire, « Ben, j'ai permis de rentrer. » Oui, mais peut-être qu'elle veut participer. Ouais. Tu sais, c'est... Oui, elle est rentrée dans la classe, mais si elle a la place dans le fin fond de la 150e rangée de l'auditorium, ça se peut que ce soit plate, tu sais. Ouais. À un moment donné, c'est de les inclure, pas juste « il a passé la porte ». Pas juste faire le strict minimum. Ouais. Exactement. Je suis tellement d'accord avec toi. C'est vrai. C'est cool comme sujet. J'ai voilà. Ouais. Dans mon temps. Dans ton temps. Marie-Laurence Audet, on te retrouve dans deux semaines. Oui. Toujours les mardis, toujours à 8h. Oui. Juste après à la panne de courant. À part s'il y a des pannes de courant. Après la panne, je serai là. Merci Marie-Laurence. Merci. Au retour, on a encore la chronique du Zone Campus avec Louis-Philippe Quentin. On a aussi ta chronique à toi, Tania Is Gonna Entertain Ya. Mais pour l'instant, on écoute une pièce de Joël Saint-Pierre. Ah ben là, tu as choisi une pièce qui n'est pas très inclusive. Ouais, mais non, mais je suis désolée, mais là, en théorie, je n'avais pas nécessairement le sujet. En 2015, Tania, une chanson où les gens doivent absolument marcher parce que ça s'appelle 100 pas. Je trouve ça dégradant. Je suis désolée. À son logerie. Terrible. Là, ça repart, là, c'est la bonne chance. Ouais, panne de courant. Hey, sais-tu quoi? J'ai mis deux fois pas la bonne. J'ai un handicap technique, je pense. Voilà. La guerre avec la fête pour être avec toi, contre toi. Je t'attaque et je veux que tu m'aimes, je détraque et me surprends moi-même à glisser comme une ombre dans ton monde. Sans toi, je fais les 100 pas qui mènent à notre prochain rendez-vous. Prends-moi ou alors fou. Je ne sais plus ni quoi faire ni quoi dire. Donne-moi la raison de ce délire. Quand tu es là, je perds tous mes moyens. Mais si tu pars, je fonctionne encore moins. Thank you. Joël Saint-Pierre et la pièce « 100 pas » à son version. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Je le sais, c'est pas toujours inutile. On en apprend quand même beaucoup. Simplement, au moins, en connaissance générale, même si la connaissance générale en 2015, ça vaut plus dire grand-chose pour personne, sauf pour les gens intéressants. Hein? C'est ce qu'on se dit. Les femmes, ici, sont inspirantes pour ce calendrier annuel de chez Pirelli. Ben oui, il y en a qui vont être déçus parce qu'ils n'auront pas les fameuses petites femmes filiformes et des petites égéries. Habituelle, style actrice porno. Non, Pirelli a utilisé des femmes plutôt normales pour faire son nouveau calendrier. Donc, le calendrier annuel de Pirelli vient tout juste d'être dévoilé et contrairement aux années précédentes, les femmes sélectionnées pour l'édition 2016 n'ont pas été choisies pour leur courbe, mais bien parce qu'elles sont une source d'inspiration pour toute notre société. En tout cas, elles devraient l'être. Si on ne les connaît pas, on va apprendre à les connaître. À l'intérieur de cette 43e édition du fabricant de pneus, 13 femmes se succèdent de mois après mois sur les pages du calendrier. Devant l'appareil de la réputée photographe Annie Leibovitz. Ouf! Annie Leibovitz, là, c'est genre une des plus grandes photographes de tous les temps, OK? J'aime mieux vous le dire, c'est littéralement ça. Elle a entre autres photographié à l'époque là, les Rolling Stones, les Beatles, Yoko Ono, Patti Smith, peu importe, OK? Vous savez, c'est une grande, grande photographe. Et donc, devant l'appareil de cette réputée photographe, justement, Yoko Ono, Patti Smith, l'humoriste Amy Schumer, Serena Williams et plein d'autres femmes ont pris la pose démontrant par le fait même que la beauté ne doit pas se limiter au modèle véhiculé par l'industrie de la mode. Donc, je la cite, Annie Leibovitz nous dit « J'ai choisi de faire une série de portraits studio assez classiques. Je voulais que ces femmes aient l'air fortes et naturellement et naturelles en même temps. Ce calendrier est si différent des autres éditions avec des photos sans prétention et très explicites. C'est ce qu'explique la célèbre photographe du magazine Vogue. » Wow, sérieux, il y a des photos extraordinaires. L'an dernier, Gigi Hadid, Joanne Small, Isabelle Fontana avaient été choisis parmi des milliers de mannequins pour figurer à l'intérieur du calendrier qui était beaucoup plus standard comme calendrier. On voulait montrer des beautés puis vendre du pneu. Mais cette année, je trouve que c'est une très, très bonne idée d'avoir été avec la force de caractère plutôt de ces femmes plutôt que juste la force de leurs belles fesses, de leurs belles courbes, de leurs beaux seins. Je pense que c'est une bonne chose. Je voudrais pas que tous les calendriers soient de même, là, mais l'idée est excellente et très, très justifiée et justifiable. Ciné-cadeau sur le web. Hey, un blog retrace les classiques de ciné-cadeau sur la toile. OK, je pensais que là, le ciné-cadeau n'existait plus, puis il y avait juste de quoi sur le web. Donc, si Télé-Québec lance sa programmation de Noël, dont le très attendu volet ciné-cadeau, dans 7 jours, les festivités sont déjà lancées sur le web grâce à un blog qui retrace les films cultes de la fameuse case horaire de Télé-Québec. Donc, c'est une création de Simon Predge, un archiviste qui anime également Les Oubliettes, une balado-diffusion consacrée au cinéma étrange et oublié. Le blog Ciné-Cadeau retrace sur le web des films qui ont fait la gloire de la programmation des fêtes de Télé-Québec depuis toujours. On peut notamment y regarder le dessin animé Peter le chat sans queue. Et si ça vous tente, il y a même un petit extrait via la page Facebook du Dîner de cons. Le film retrouvé sur Dailymotion est également accompagné d'une fiche retraçant la petite histoire de sa production. Plein d'autres petits films à voir. Vraiment, si vous êtes un addict de ciné-cadeaux, rendez-vous sur cinécadeau.blogspot.ca. Dans un autre ordre d'idées ou dans un autre ordre de genre de film, eh bien, je vous parle de la Québécoise Arielle Rebelle qui est en nomination aux Oscars de la porno. Les couples et aussi les femmes aiment le fait que je sois une vraie personne terre à terre. Elle est magnifique, Arielle Rebelle, vedette du X sur le web. Donc, elle pourrait remporter des prix lors des X-Biz Awards et des AVN Awards. Active depuis maintenant 11 ans dans le milieu de l'érotisme, la starlette cumule les mises en nomination dans les deux plus importants galas d'excellence de l'industrie de la porno, le X-Biz Award et le IVN Award. Le premier, organisé par xbiz.com, un site de nouvelles et de réseautage concernant le milieu des films érotiques, aura lieu le 15 janvier prochain à Los Angeles et Ariel Rebelle s'y retrouve en compétition dans la catégorie Web Star of the Year. Détentrice actuelle du titre, puisqu'elle en fut la dernière récipiendaire en 2015. Wow! Ben, félicitations, Ariel. Elle défendra sa couronne contre Ari D, Brianna Lee, Brycey, Kylie Jane's Danger, Kendra Sutherland, Sarah Shaven, Sophia Locke, Vera Baby et Vicky Vette. Désolé, mais je suis pas un très grand connaisseur de porno. Là, je connaissais juste Ariel Rebelle là-dedans, puis c'est la plus chicks, ça c'est sûr. Le vote pour cet honneur étant ouvert au public, vous pouvez contribuer à la victoire de votre préféré. Le lien est via la page Facebook du Dîner de cons. Les Oscars de la porno, eh bien, c'est un autre gala, lui, qui est organisé par AVN, un magazine spécialisé sur le commerce de films pornographiques. La Québécoise est en lice dans la catégorie de Best Solo Girl Website. Donc, cette cérémonie véritablement considérée comme les Oscar de la porno se tiendra, elle, le 23 janvier prochain à Vegas. Encore là, la belle rebelle, toujours fort active sur Twitter, se retrouve en terre inconnue puisqu'elle avait soutiré les honneurs en 2012 déjà. Wow! Contrairement au XBiz Award, toutefois, le vote pour cette compétition est réservé aux membres de l'industrie. Appelée à commenter ses mises en nomination, celle qui est souvent la seule Québécoise à en faire partie, s'est dite heureuse et honorée, mais elle juge ses chances de l'emporter plutôt minces cette année. Elle dit « Je n'ai pas sorti de nouveaux trucs cette année, je suis tellement occupée sur d'autres projets. J'ai beaucoup mis d'énergie sur Mélodie Coche, sa protégée en quelque sorte, et j'ai aussi un très gros projet qui va arriver vers la fin de 2016. » Mes sorties de matériel ont été plus sporadiques et ça risque de jouer contre moi cette année. Quant à savoir laquelle de ses rivales pourrait être victorieuse au XBiz Award, elle émet quelques hypothèses. Je les connais pas toutes, mais Brycey, que je suis sur Twitter, est assez sympathique. Vicky Vette aussi, c'est une MILF avec un assez gros réseau. Sinon, je pense que ça pourrait être Brianna Lee, qui est, elle, super sympathique. Quand on lui demande laquelle de ses qualités pourrait, au contraire, jouer en sa faveur, elle répond sans hésiter, c'est ma longévité. Ça fait 11 ans que je suis là, je suis très proche de mes fans qui apprécient que je... Pardon. Qui apprécie, je suppose que je sois une vraie personne. Malgré le glitter, le maquillage et tout ça, ils peuvent suivre mon blog de cuisine. Ils peuvent voir mes photos de voyage, les couples et aussi les femmes aiment cet aspect-là, qui est beaucoup plus terre-à-terre. Son blog de cuisine, on va aller voir, ouais, Zesty and Spicy. C'est littéralement un vrai blog de cuisine qu'elle fait, là. Il y a même pas rien de sexe là-dedans, là. Et juste Ariel Rebelle, là. Génial. Vraiment, ça la met vraiment, comme a dit, plus normal. Sinon, le sujet du jour dans l'univers de la pornographie étant les accusations de viol de la star Stoya émises envers l'acteur James Dean, il était impensable que nous évitions la question auprès de notre interlocutrice. Bien qu'elle n'ait jamais rencontré Stoya, elle ne doute aucunement de la véracité de ses propos quant à James Dean qu'elle a rencontré une seule fois. Il lui est apparu comme quelqu'un de très charismatique, ce qu'elle redoute parfois. Prudent dans ses propos, elle préfère avoir davantage de détails sur ce qui est arrivé avant de prendre parti. Cependant, ce qu'elle regrette, c'est que cela stigmatisera davantage le milieu, celui du divertissement pour adultes, qui l'est déjà énormément. Les détracteurs de la pornographie risquent d'utiliser cet incident et d'en faire un exemple, prouvant que l'industrie du X est un repère de dépravés et de personnes violentes, ce qui est faux, selon elle, surtout lorsqu'on est dans une situation comme la sienne. Et là, je cite Ariel Rebelle, « Plein de gens font des films pour adultes pour plein de différentes raisons que l'on connaît pas. » Moi, j'ai la chance de faire ça avec l'homme de ma vie, juste pour partager notre sexualité avec des gens que ça intéresse. C'est certain que ça fonctionne pas comme ça à Hollywood. Tu reçois ton horaire, tu vois à quelle heure tu vas aller faire quoi, avec qui. Souvent, tu ne les connais même pas. Je suis privilégié de travailler comme je fais. Hollywood, c'est une autre réalité. Tout à fait. Donc, si ça vous intéresse, rendez-vous sur XBiz Award. Et puis, tiens, on va aller tout de suite donner notre vote à Ariel Rebelle. Ben oui, c'est fait. Bravo, Ariel Rebelle. En deuxième position, je pense déjà. C'est peut-être grâce à notre vote. Il y a Zesty and Spicy. Ça vous intéresse d'aller voir des recettes d'Ariel Rebelle. C'est vraiment un véritable blog de cuisine. Les photos sont très, très, très artistiques. la nourriture a l'air très, très bonne. Donc, ça peut juste être un plus pour cette charmante dame. Hein? Ah, on la voit même ici avec François Chartier, qui est un grand chef, me semble, François Chartier, si je ne me trompe pas. En tout cas, si ça vous intéresse de connaître un peu plus Ariel Rebelle, facile à trouver sur Internet. Justement, on avait comme deuxième article cette histoire de l'acteur porno James Dean qui est accusé de viol. Eh bien oui, Stoya, cette vedette du X, accuse l'acteur de film pour adultes James Dean de l'avoir violé. Ben oui, elle dit ce sentiment quand tu reconnectes, ce sentiment quand tu te connectes à Internet pendant une seconde et que tu vois des gens idolâtrer l'homme qui t'a violé en tant que féministe, ça me dépasse, écrit-elle samedi. Elle dit, la jeune femme a utilisé la tribune pour dire son ex-petit ami. Son petit ami l'a violé. En tout cas, James Dean m'a cloué au sol et m'a baisé alors que je lui disais non. Je lui demandais d'arrêter. Je ne peux plus acquiescer et sourire quand les gens me parlent de lui. La déclaration de l'actrice du X a créé tout un émoi sur la toile et le mot-clic Solidarity with Stoya est rapidement devenu viral. De nombreux internautes ont rappelé que le viol est inacceptable et que le métier de Stoya ne change en rien la situation. Tori Lux, également actrice porno, a avoué avoir été violée dans le passé par ce même James Dean. Le Daily Beast a rapporté ce lundi que la Californienne accuse l'acteur de l'avoir agressé sexuellement lors d'un tournage en juin 2011. Il l'aurait frappé au visage, violenté et humilié publiquement parce qu'elle refusait ses avances. Ayant peur à l'époque de se mettre l'industrie du X à dos et ne pas être prise au sérieux par la police, eh bien, elle regrette aujourd'hui de ne pas avoir porté plainte contre son assaillant. En entrevue, elle a confié être toujours marquée par cette expérience traumatisante. Une troisième victime a aussi révélé au Daily Beast avoir déjà été violée par ce même Dean. Ashley Fire affirme avoir été agressée sexuellement par l'acteur dans la salle de bain commune du Kink.com, une compagnie qui affiche du matériel pornographique sur le web. Alors qu'elle se trouvait dans les bureaux de l'entreprise basée à San Francisco, oui, l'actrice du X aurait aperçu Dean traîner une femme par les cheveux comme un homme des cavernes. Un peu plus tard, le jour même, elle aurait croisé l'acteur dans la salle de bain. Il l'aurait forcé à avoir une relation sexuelle anale. Après cette agression, Ashley Fire a toujours refusé de travailler avec cet attaquant. Là, on voit James Dean qui se manifeste sur les réseaux sociaux. Le principal intéressé s'est finalement manifesté sur Instagram. Et je le cite, « Il y a eu des affirmations explicites faites contre moi sur les réseaux sociaux. Je voudrais certifier à mes amis, mes admirateurs, mes collègues que ces allégations sont à la fois fausses et diffamatoires. Je respecte les femmes et je connais et respecte les limites à la fois dans ma vie professionnelle et ma vie privée », a-t-il écrit sur Instagram. Je m'excuse, mais il y a à peu près plein de filles là, qui disent complètement le contraire. C'est drôle, moi je crois pas plus le gars que les filles, mais je crois plus 3, 4, 5 personnes que la personne qui est en cause, qui essaie de se défendre. Je m'excuse, mais ça regarde plus mal pour toi, Monsieur Dean, avec 2 E. Plus de 90 disques offerts gratuitement pour Noël. Ben oui, c'est chaque année, hein, plusieurs artistes alternatifs donnent leur album dans le cadre du grand buffet musical de Poulet Neige. Nouvelle tradition, beaucoup plus agréable que celle des lutins. La liste de Poulet Neige étant dévoilée hier pour une 6e édition. Les ménomènes serrés du portefeuille ont maintenant jusqu'au 25 décembre pour faire le choix parmi 80 quelques œuvres offertes gratuitement. Celles-ci seront ensuite envoyées par courriel le jour de Noël. Comme l'offre est grande et plutôt left field ou plutôt champ gauche, on peut également écouter des extraits du disque sur fond d'image psychédélique. Moi, c'est ce que j'ai aimé le plus. Sérieux, le site est extraordinaire. On peut y voir des sandwichs aux yeux tournoyants, des photos de Sylvain Cossette avec une tuque. On voit Éric Lapointe qui suit la pointe de la souris. Sérieux, c'est d'un psychotronique hallucinant, très très normcore. Céline Dion sont toutes là. C'est pas des gens qui donnent leur disque là. C'est des grosses vedettes qui nous font rire parce qu'ils sont un peu ridicules. Vous irez voir ça, c'est très très facile. Suivez le lien, c'est listedenoël.ca. Vous pouvez écouter tous les albums, puis vous pouvez en plus vous amuser avec le site. Sérieusement, vraiment, ça vaut la peine absolument. Bon, on va y aller avec ça, tiens. Une grosse histoire, puis après, on ira en musique. C'est Serge Beauchemin, le dragon, qui nous dit « C'était pareil comme dans le Titanic ». Donc, M. Beauchemin a vécu une croisière en mer australe qui a tourné au cauchemar. Pardon, à la mi-novembre. Il se dit encore ébranlé par le sauvetage aussi fantastique que bouleversant qu'il a vécu avec sa conjointe et deux couples d'amis. C'est sûr qu'on a beaucoup d'émotions. Il y a comme un sentiment de ne pas avoir été bouleversé. Ah, de ne pas avoir le droit d'avoir été bouleversé. En tout cas, c'est assez fort chez ma chérie, puis ce l'est un peu chez moi, a-t-il ajouté. Donc, son histoire, c'est assez particulier. Il nous dit « Parti avec deux couples d'amis pour une expédition de 16 jours en mer australe à bord du Boréal, Serge Beauchemin et celle qui appelle affectueusement sa chérie ont vu leur voyage prendre une fin abrupte moins de 3 jours après le départ d'Ushuaïa sur la pointe de l'Argentide, pointe sud. » Il dit « On s'est fait réveiller à minuit et demi par un cas de bravo. On n'a aucune idée de ce que c'est, se remémore l'homme d'affaires. Ma blonde se lève, va voir ce qui se passe. En ouvrant la porte, il y a de la boucane partout dans le corridor. On devine qu'il y a un incendie à bord. On s'habille chaudement et on mène aux vistes de sécurité. » Il dit « On a attendu techniquement environ 4 heures sur le pont du bateau. On recevait les consignes du capitaine qui nous disait qu'il se battait contre le feu. Au bout de 4 heures, le capitaine dit par mesure de sécurité « Pour la protection de tout le monde, je vais vous demander d'abandonner le navire. » Oui, oui, abandon ship, alors ordonné le capitaine aux passagers du navire. Un scénario qui donne froid dans le dos alors que la température de l'eau est glaciale. C'est pas la mer des Caraïbes. L'eau, c'est synonyme de feu quasiment, parce que si tu tombes à l'eau là-bas, c'est entre 2 et 7 minutes, puis c'est fini, tu tombes en hypothermie et tu meurs rapidement, rappelle toujours le dragon. Tenter de sortir du bateau n'a pas été facile. Le bateau se met à quiller et à verser d'un côté parce qu'il y avait trop d'eau dedans. Ils avaient pompé beaucoup d'eau pour éteindre le feu et ils ont jeté l'ancre aussi. On a sacré le camp par terre. Mon chum est tombé sur le cul et mon autre chum est tombé aussi sur le cul. C'était pareil comme dans le Titanic, raconte-t-il. Alors que les conjointes de ses deux amis ont pu être secourus par un hélicoptère, ces derniers, Serge Beauchemin et sa conjointe, ont dû quitter le navire en prenant place dans un lifeboat, une embarcation de sauvetage motorisée. Quand c'est venu le tour de ma chérie, eh bien, parce qu'ils disaient les femmes et les enfants d'abord, ils ont dit non, il n'y a plus de place, on s'en va dans les lifeboats. Alors on s'est regardé, c'est à ce moment qu'on a dit à la vie, à la mort, mon amour. C'est alors qu'ils ont monté à bord de l'embarcation de sauvetage et que Serge Beauchemin admet avoir vécu des secondes d'angoisse. Embarquer là-dedans puis décrocher ça du bateau, ça n'a pas été très sympathique parce que le crochet en avant est resté accroché et on s'est mis à se faire frapper par les vagues sur le navire. Je vous avoue que c'est la seule fois où j'ai vraiment eu peur de mourir parce que si ça pétait... Heureusement, après 10 ou 15 secondes, le crochet a lâché et là, on est tombé à l'eau. Le bateau est reparti, a expliqué le rescapé. On a passé 9 heures là-dedans à se faire brasser, poursuit-il. Le navire de guerre, le Clyde, n'ayant pas été en mesure de les secourir, c'est finalement l'Austral de la compagnie du Ponant, un bateau similaire au leur, qui a pu les sortir de là. L'homme d'affaires mentionne que le bateau qu'ils ont dû abandonner n'a pas été dévasté par les flammes. Il n'y avait pas de boucan quand on est sorti de là. On s'est même demandé pourquoi ils nous ont sorti de là, mais probablement que le capitaine avait vraiment peur qu'un incendie plus majeur ou même qu'une explosion ait lieu. Ils ont été capables d'éteindre le feu et même de remorquer le bateau au même port où ils nous ont tous amenés pour la rescousse. Ce dernier, qui dit avoir été jeté par terre par le courage des membres de l'équipage pendant toute la durée des opérations, retire quelques leçons de cette mésaventure dont tout le monde est finalement sorti sain et sauf. Je le cite, j'ai jamais senti l'importance d'avoir de l'espoir dans la vie de façon significative et sérieuse. Et il y avait jamais eu besoin de tant d'espoir. Bien que l'attente dans l'embarcation de sauvetage ait duré 9 heures à se faire brasser dans des vagues de 3 à 5 mètres, eh bien, on n'a pas tellement senti ce temps d'attente-là, affirme Serge Beauchemin. C'est particulièrement long, mais l'espoir fait que ce n'a pas été si pire que ça, conclut-il, soulignant à nouveau à quel point les membres de l'équipage ont été courageux et exceptionnels. Ben, tant mieux, une histoire qui se termine bien. Sur ce, eh bien, tiens, on va aller en musique. Je vais vous offrir une pièce de Metallica. Oui, Metallica. Une pièce en hommage de ma mère. Hein? C'est rare, ça, les gens qui vont dire ça. Mais c'est vrai, ma mère était une fan finie de Metallica. Alors, pourquoi pas lui envoyer One? Yes, sir. C'est elle que je voulais à la base. On y va avec One. Et puis, ben, l'autre côté de la pièce musicale. Ça va être une pause. Et puis le show se poursuit jusqu'à 13h. Je vous invite à rester là. Enjoy Metallica! The cerebrum has suffered massive and irreparable damage. You never know what has happened to him. Had I not been sure of this, I would not have permitted him to live. Where? Father? I need help. What is democracy? It's got something to do with young men killing each other. When it comes my turn, will you want me to go? For democracy, any man would give his only begotten son. Celebrated individual to experience pain, pleasure, memory, dreams, or thought of any kind. This young man will be as unfeeling, as unthinking as the dead until the day he joins them. I don't know whether I'm alive and dreaming or dead and remembering. How can you tell what's a dream and what's real when you can't even tell when you're awake and when you're asleep? Where am I? I can't remember anything. Can't tell if this is true or a dream. Deep down inside I feel the scream. This terrible silence stops in there. Now that the war is through with me, I'm waking up, I cannot see that there's not much left in me. Nothing is real but pain now. Hold my breath as I wish for death. Oh, please, God, wake me. I just went ahead and chopped off everything. Oh, God, please make them hear me. They won't listen. They won't hear me. You know, wake me up, hold me up, please. Hear me. Back in the womb, it's much too real. It pumps life that I must feel. But can't look forward to reveal. Look to the time when I live. Head to the tube that sticks in me. Just like a wartime novelty. Tied to machines that make me be. Cut this life off from me. Hold my breath as I wish for death. Oh, please, God, wake me. Just like a piece of meat that keeps on living. Father, I need you and Bill Harper would bring a wire between the two houses so you could telegraph to each other? You'll remember the Morse code. Darkness imprisoning me. All that I see, absolute horror. I cannot live, I cannot die. Death to myself, body my only sail. It's Morse code. For what? SOS. Help. Landmine has taken my sight, taken my speech, taken my hearing, taken my arms, taken my legs, taken my soul. Left me with life in hell. Kill me over and over again. Kill me. Don't you have some message for him, Padre? He's the product of your profession, not mine. Des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Et on est très, très heureux de l'avoir en ce moment. C'est Nicolas Moreau, qui est le cuisinier paresseux, qui vient tout juste de sortir là un nouveau livre, Cuisine des étudiants, aux éditions Broquet. Cuisinier paresseux pour étudiants, en fait, un livre juste pour nous, les étudiants. Mais oui! Parlons-lui à Nicolas Moreau. J'aime vraiment ça, en fait. J'ai comme feuilleté pendant la pause musicale. Là. On le regarde et on l'aime vraiment. Oui. Ouais, t'es sûr? J'ai comme plein d'idées là. Ça donne... Surtout que ça donne vraiment faim en passant. Nicolas arrive dans le studio et dit pas Tania. Je peux parler avec Tania. Ben oui, mais c'est parce que Tania, tu sais, c'est comme la gourmande. C'est ben comme oui, la... évidemment. C'est comme tu sais là. Fait que non, mais c'est quoi ce livre là? C'est quoi ça? C'est un coup de cœur parce qu'il a été fait. Vous savez que toutes les photos ont été prises ici. Mm-hmm. Il y a même des photos de sur la petite fontaine de l'UQTR que tu me disais. Oui. Puis, en plus de ça, c'est qu'on s'est vraiment inspiré des étudiants mm-hmm. pour faire ce livre. C'est comme des déjeuners transportables. Tu sais, le matin, là, quand vous vous levez, vous avez toujours la couette un peu collée, tu sais, avec l'œil sur le côté. Fait qu'on s'est dit, puis genre, faut rentrer dans les cours super rapidement. Fait qu'on a sorti vraiment une méga variété de smoothies. Mais vraiment des smoothies, alors les smoothies sont très consistants, là, tu sais, qui vont durer vraiment toute la journée, mais surtout qui sont bons dans la bouche. Oh, ouais. Ça, on aime ça. Oh, ça a l'air bon. Mais là, l'UQTR, oui, ça a été fait avec des étudiants d'ici, inspirés d'ici, mais pourquoi ici? Ben, parce que ma femme vient d'ici, ma belle famille vient d'ici, le meilleur photographe du monde vient d'ici. Et voilà. Éric Mascotte, c'est comme, je sais pas, c'est une légende, je sais pas, les photos sont toujours tellement belles. Mm-hmm. Fait que je veux dire, vu que tout se passe ici, ben, c'est ça. Puis écoute, il y a toi. Ah, mon Dieu, merci. Ah, toi, avec tes grands yeux bleus. Ah, oui. Tes grands yeux bleus palmés. Bon, qu'est-ce qu'il faut que je dise, là? on voit la fontaine caméra 3 de notre station de radio en ce moment. Et c'est ta collaboratrice qui est sur chacune des photos. On la voit de dos, on la voit de côté, on la voit de face. Ouais, Marilyn est assez présente, hein. Vas-y, Eric, parle-nous au micro. Là. Oui, est-ce qu'il est installé le micro? Est-ce qu'on peut l'utiliser? Ouais. Oui, oui, on peut. En fait, Marilyn l'étudie ici à l'UQTR en philosophie. Fait que, elle est en train de faire sa maîtrise. Là, présentement, elle travaille. Mais c'est ça, on a fait les photos ici, toutes les photos d'ambiance à Trois-Rivières. Dans les épiceries locales, même, on a vu des photos. Le métro, on a pris des photos dans le métro ici. Non, c'est pas mal le fun. C'est beaucoup d'ouvrages, un livre comme ça. Ça paraît pas, là, mais. C'est Nicolas, il cuisine 15 plats par jour. Moi, je prends toutes les photos puis je mange tout après. Fait que c'est beaucoup d'ouvrages, là. Il me semble que ça fait pas si longtemps que ça qu'on s'est parlé en studio. Vous aviez sorti un autre livre, donc quand même un roulement assez, assez rapide entre deux livres. Ben, tu sais, ce qui s'est passé aussi, c'est que là, je me suis aperçu à ma grande surprise que la génération d'aujourd'hui... Je parle pas au niveau cégep, c'est peut-être un peu plus jeune, mais dès que tu arrives dans le 20-22 ans, vous êtes beaucoup plus renseignés, beaucoup plus soucieux aussi de la nourriture. Moi, à mon époque, là, c'était vraiment, vraiment basic. Et tu sais, comme là, je vois, là, t'as la page. Oui, parce que, excusez-moi. Un tartare. Je suis pognée dessus. T'as mis un trip tartare. Mais ça a été demandé, tu sais. Puis moi, j'ai dit, pardon, tu veux quoi? Tu veux un tartare? Un jeune connaît un tartare. Ah, ouais. Tu commences ça? Hey man, je veux un tartare, j'en veux un hot à part ça. Puis, ah ouais. Fait que là, je fais comme, aïe aïe. Fait que, tu vois, c'est un monde par rapport au mien. Ouais. Donc, tous ces guides-là, on s'en est servi. Marilyn, tu sais, il y a un ragoût de boulette à quelque part, puis le ragoût de boulette, là, qui est dans un beau gros pot maçon, là, tu sais, qui a l'air à fumer, là, puis, tu sais, elle dit, tu sais, quand tu rates un examen, là, puis que tu files pas bien une soirée, là, puis que t'es habillé en mou, là, ben là, qu'est-ce que tu veux? Tu vas avoir un ragoût de boulette qui goûte comme grand-maman. Ben, on a fait le ragoût de boulette de grand-maman paresseuse, là, tu sais, là, mais... Ouais. Puis ça, on a travaillé aussi beaucoup sur cet aspect réconfortant. Ben, je viens de voir une poutine aux boulettes épicées. Là. Moi, ça me réconforterait, c'est ça. Chapitre gars, là. Il y a un chapitre. Ça, c'est le chapitre des gars. Quatre sortes de poutines avec vos propres sauces que vous allez faire en 2-3 minutes. Je sais pas si t'as vu les hamburgers décadents. Oh. Des espèces de burgers avec une demi-livre de viande dedans. Je viens de voir ça. Mes côtes levées à l'orangeade. Je l'ai fait 3 fois cet été. Là. C'est malade. Là. La sauce aussi est hallucinante. Tu peux t'en servir parce que Nicolas est tout fait pour que tu puisses réutiliser. Tu fais une batch puis t'es bon pour 3-4 repas. Là. Oh, c'est pas juste ça, une shot. Là. Puis après ça, tu les mets dans les pots maçons. Il y a beaucoup de pots maçons dans les photos. Puis ben, dans la mode, ça, ouais. Mais les côtes levées, c'est hallucinant. Ben, la petite sauce au barbecue, t'sais, moi je mets du cream cheese dedans. Fait que après ça, une fois que tu les as cuits, tu mets ça au four. Là, juste un petit 10 minutes à broil à la fin. Puis là, ton cream cheese, qu'est-ce qu'il fait? Il fait coller ta sauce barbecue, mais il la garde en épaisseur, en hauteur. Fait que quand tu croques à fond dans ta bouche, là, tu sais, mais comme solide, c'est vraiment débile. Mais t'as pas juste des affaires non plus de fast-food, là, t'as des trucs santé, je vois des muffins santé express. Ouais, ça, c'était un chapitre qui était un petit peu plus... c'était plus technique santé. On s'est vraiment, attardé là-dessus. On a un chapitre complet sur le sans gluten ni lactose, qui est très important, puis parce que, tu sais, un pain sans gluten, là, ça coûte un bras et quart, puis je suis vraiment désolé, là, mais tout ce que j'ai goûté, là, c'est lourd comme de la roche. C'est vraiment pas bon. Ouais. Fait que nous, on a sorti vraiment une série sans gluten, mais je veux dire, c'est une qualité de baguette. Là. C'est alvéolé à l'intérieur parce qu'on met de la gomme de xanthan, puis on arrive à alléger le produit. Puis moi, je me dis, ben, si au moins t'es capable de faire une pâte à pizza, t'es capable de faire des tortillas, t'es capable de faire un bon pain sans pétrissage, que t'es capable de faire une quiche, que t'es capable de faire des pâtes fraîches maison, mais attention, là, juste avec un rouleau à pâte puis un couteau là, à beurre, là. Ben, au moins, t'as la même base que tout le monde. Après ça, tu mets ce que tu veux dessus. Mais ça, on trouvait ça super important, donc on a fait un chapitre sans lactose ni gluten. Mais tu sais, évidemment, le livre est fait par des étudiants pour des étudiants. Le prix de ces plats-là doit pas être immense, là, non plus, là, je veux dire. Ça, c'était encore quelque chose qui m'a touché, parce que lundi, mardi, mercredi, on s'est aperçu que c'est très type garnish, là. Tu sais, ça veut dire, là, genre, il y a 10 ou 12 sandwichs, des garnitures qu'on a faites. Ouais. Qui sont tassés, là, tu en as toutes les sortes. Ça veut dire que tu pars avec ton pain, tu amènes tes garnitures là, dans des pots maçons, puis à tous les jours, tu changes tes trucs. À partir du jeudi, vendredi, ceux qui travaillent un peu, il y a de l'argent. Et on s'est aperçu quand il y avait de l'argent. Ça, c'est encore une affaire qui me surprend. Ils font des tartares. Du budget. Oui, le tartare, exactement. Oui, exactement. Puis que, comme le vin, j'ai été surpris de voir que, hey, on achète une bonne bouteille de vin, on dépense pour un plaisir qui est gastronomique, qui est. Qui réunit, je trouve. Puis ça, c'est vraiment quelque chose de votre époque. je trouve ça capoté, ça me... Les gens se ramassent ensemble, puis ils font des soirées, ouais, là, tu sais, ils font des bouffes, là, tu sais. Les gros plats de pâtes, c'est ça qu'on avait fait, là. Puis il y a une section pâtes dans le livre, une section de pasta bar. Le pasta bar, oui, tu sais. Et puis la sauce tomate est sans cuisson. Ça veut dire que ta sauce de base, t'as même pas besoin de cuisson. Puis avec ça, t'as un paquet de dérivés pour faire toutes tes sauces rosées, tes bolognaises, avec saucisses, avec smoke meat dedans. Fait que c'est vraiment hyper, hyper, hyper facile, ça. Ah, puis tu sais, il y a les classiques aussi. Là, je suis tombée sur la page de la sauce bolognaise. Ouais. Ça, on parlait de réconforter, puis dans tout, il n'y a rien de mieux que ça. Là. Non, ça, c'est... J'aime ta section décadente. Elle s'appelle décadente. Ouais, parce que c'est des versions luxueuses. Lui est plus junk. Ouais. C'est un gars. C'est la section décadente, on aurait pu l'appeler la section gars, la section garçon. Là. Ça, ça a été demandé. C'est la demande générale. Ça, c'est... Mais ce livre-là aussi, il peut... Tu sais, comme, je veux dire, je pourrais... J'aurais aucun problème à le donner à ma mère, à Noël. Ben oui, c'est sûr. Ouais, c'est étudiant ou pas? Ça reste paresseux. Mon frère, d'abord. C'est sûr que les recettes qu'il y a dedans, c'est comme les adultes sont tous unanimes. Puis il y a des trucs un peu exotiques comme t'as un super poulet Général Tao qui sent 2 minutes. T'as un poulet au beurre aussi. Donc, si tu veux te faire quelque chose de pas cher, mais d'un petit peu plus fancy, là, parce que genre, un petit tête-à-tête, c'est le fun de dire mon amour, je t'ai fait un petit poulet. Ouais, c'est ça. Ça a l'air bien fancy, vous-même. Juste un humus minute. C'est facile à faire, c'est pour une collation, un pain ménage, jambon. Oui, puis le humus, comme tu dis, là, en plus, ça a rendu que ça coûte un bras. Oui, c'est ça. Je capote comment que ça coûte cher. Oui. C'est 6-7 plats, $7 pour un. Oui. Alors que tu fais ça en 2-3 mouvements. Moi, quand j'étudiais à Montréal, mon épicerie consistait d'humus et de légumes. Ben oui, c'est ça. J'avais bâti mon budget, là. Ça, t'en as beaucoup dedans. Il y a beaucoup de salades de légumineuses, il y a beaucoup de garnish à sandwich, beaucoup de pasta. Il y a des soupes réconfortantes aussi, des crèmes de poulet, des crèmes de tomates, des crèmes de... Tes jus aussi, là. Tes jus. Ouais, les jus, les smoothies. C'est hallucinant, là. C'est bon, là. J'ai carburé à ça. Puis, on doit le dire, là, parce que non seulement le photographe est en studio avec nous, mais les photos sont écœurantes et ils donnent tellement faim. Il est débile. C'est hallucinant. C'est vrai que... Écoute, ça a l'air... Sérieusement, là, tu sais, je veux dire, le plat, il est bon, là. Je sais, c'est moi qui l'ai fait, là. Puis, tu sais, j'en parle, puis je salive, là. Non, je comprends. Et puis, mais je veux dire, il rend ça plus beau sur photo aussi. Il faut lui donner ça. Mais est-ce qu'on quand tu regardes les photos, tu dis, ça se peut pas. Ça a tout l'air bon, là. Ben, moi, je suis paresseux aussi. J'aime pas ça faire des recettes. J'en fais, mais j'aime pas ça parce que je suis obligé de tout écrire les recettes. Puis, c'est pour ça que je connaissais les codes QR, puis je n'ai parlé à Nicolas. Nicolas en a parlé à l'éditeur. On a le code QR. Fait que ceux qui ont l'application, à chaque recette. Fait que là, tu n'es pas obligé de tout l'écrire. Tu scannes avec l'application QR, puis toute la recette, elle apparaît sur ton cellulaire. Fait que là, tu passes, tu vas à l'épicerie. Tellement. C'est parfait, ça. Et c'est toujours simple. Pareil comme le précédent livre dont on avait parlé, les ingrédients sont vraiment évidents, placés super bien. Et tu as tout le temps un petit post-it dans le coin pour le nombre de portions. Par exemple, pour une fille, ça va être 4 portions. Ben oui. Pour un gars, peut-être 2 portions. Ouais, c'est on ça. Y va dans le stéréotype un peu. Ouais. Le temps de préparation, le temps de cuisson et le niveau de difficulté qui, dans le cas de la poutine décadente express au Général Tao, est de super paresseux. C'est moi, ça. Puis tu as tout le temps, tu sais, comme tu dis, le temps de préparation, le temps de cuisson. Fait que de faire ça le soir. Oui. Avant d'aller à ton cours le lendemain, c'est quasiment mieux que d'aller à la CAF. Ben oui, parce que en gros, la poutine dont je parlais il y a 2 secondes, temps de préparation 4 minutes, temps de cuisson 20 minutes. En dedans, 25 minutes, t'as déjà ton repas. Ouais, puis 20 minutes, c'est parce que, tu sais, moi, je calcule qu'on a mis des frites dans le four, là. Oui. Ça veut dire que t'attends, ça. Là-dessus, là. Ouais. T'attends, là. Tu regardes la TV, là. Tu sais, t'attends d'aller prendre ta douche, là, si tu veux. C'est ça. Clairement. Qu'est-ce qu'elle disait, Marilyn, déjà? Elle disait quand elle avait fait le pudding chômeur. Elle dit, c'est le temps d'une douche, ça. C'est le temps d'une douche. Elle a tout mis ça, elle demande sa douche. Elle dit, tu sors, tout est prêt. Tu fais rien, tu fais quasiment rien. Et ce que j'aime, c'est qu'à la toute fin du livre, ben, comme se doit la formule d'un livre de recettes, tu as évidemment un index. Donc, si tu cherches, toi, la poutine et que tu te rappelles plus, c'est dans la section des décadents ou des peu importe, ben, tu l'as, là, la page. C'est pas dur. Tu trouves facilement. Et comme on disait au début du segment, c'est classé par ordre de catégorie. Donc, gluten au complet. Mettons, t'es allergique au gluten, ta première section va être ta préférée, c'est clair, ça. Ah, c'est définitif, définitif. Mais en plus, tu sais que tu disais tout à l'heure, offrir à ta mère ou à toi. Moi, je pense très bien que ce livre-là, personnellement, là, moi, je pense que c'est les parents qui vont l'acheter probablement. Pour les enfants, oui. Ben, écoute, c'est comme génial. C'est le cadeau de Noël parfait, en fait. Pense pour à une les famille étudiants. Reconstituée, là. T'as 7 ou 8 étudiants, t'achètes un livre, tout le monde va scanner sa recette, bye, man. Mets ça dans le cellulaire, c'est fini. Ouais. Non, mais c'est absolument hallucinant. Puis en plus, c'est que si tu l'aimes, tu peux la transférer. On est vraiment les seuls parce que dans le fond, n'y a pas un éditeur qui va être assez fou pour penser pour faire à... des non, parce qu'il y a l'argent. Ben oui, ben, t'imagines, je veux dire, un seul livre, là, si tu commences à passer ça à tes amis puis toute la quête, t'imagines-tu ce que tu peux arriver à faire avec un seul livre? Ben oui. Mais d'un autre côté, il faut être conséquent. Le paresseux fait un livre pour les étudiants, il faut que ça soit budget étudiant aussi. Ben oui, c'est ça. Comme ça qu'on l'a pensé. Voilà. Ce livre-là, là, à Trois-Rivières, on le trouve où si on veut l'acheter? Partout. Ben, partout? Il va l'avoir au Costco, Archambault, Renaud-Bray, dans tous les... Puis bien sûr, en ligne. Là, évidemment. En ligne. Fait que là, c'est dit, vous pouvez aller l'acheter. Tania a deux sortes de saumon, de tartare au saumon et au bœuf à faire. Ouais, on a mis deux tartares. Puis ça, ça a été ma grande surprise et mon grand bonheur, parce que je suis un fan de tartare. Eric aussi, ma femme aussi, tout le monde. Ouais. On capote sur les tartares, mais... Je veux dire, c'est capoté que ça a été demandé. Une demande, c'est ça. On veut des tartares. Mais c'est vrai, puis j'ai comme l'impression que ça vient un peu de toutes les émissions de cuisine qu'on voit à la télévision. C'est vraiment rendu un must. Là. Même moi, à un nouveau restaurant où je vais aller, la première chose que je vais tester, c'est le tartare. C'est fou, quand même. Puis j'aimais pas ça, le tartare, il y a quelques années. C'est un de mes amis qui m'a fait découvrir ça parce que ses parents mangeaient ça. Puis là, j'étais là, OK, mais c'est de la viande crue, là, ça m'écœure. Puis quand il m'a fait goûter à ça, j'étais comme... plus jamais je ne mange plus de tartare. Je voudrais juste préciser, parce que c'est une question qui m'est posée souvent. Les photos, là, Nicolas les cuisinait. Oui. Puis on avait 15 minutes pour les faire. Fait qu'il n'y a pas de colle, il n'y a pas de pâte, il n'y a rien. Ça, c'est naturel. Ce que vous voyez, là, c'est ce qu'on a. Ce que Nicolas a fait, c'est ce que j'ai mangé par après. Là, parce que moi, je mangeais tout. C'est toi qui mangeais tout, hein? Non, parce que, tu sais, oui, il y a des stylistes culinaires qui font des ajustements pour booster un peu. Non, non, c'est ce que vous voyez là, c'est ce qui a été fait. Vous êtes capable de faire ça. Tous les gens, si vous le cuisinez, ça va avoir l'air de ça. Là. Wow, ça sera pas, c'est vraiment ça. Là. C'est bon, ça, ce que tu dis, parce que, tu sais, on veut pas le dire d'une manière prétentieuse, mais d'une manière plus pour que ça soit authentique. Mais quand on dit à d'autres photographes ou, qui font généralement 4 photos par jour, tu sais, nous, c'est du 15 par jour qu'on faisait. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de fluff-là, là. Ce que vous voyez, c'est ça. Ça a l'air bon parce que c'est vrai. Parce que ça a marché. Le pain, les pains aux bananes Nutella ou le... Sans gluten ni lactose. Ouais, non, le pain, quand... le chocolat banane, là. Mais quand Nicolas arrivait avec ça, puis ça y avait pris 15 minutes à faire, je me trouvais tellement niaiseux de ne pas avoir fait de recette comme ça. Avant. Parce que je me dis, écoute, il me parlait, il brassait des affaires, puis ça prenait 15 minutes, puis 10 minutes plus tard, il y avait un pain. Un pain, tu sais, en temps normal. C'est la magie, là. C'est comme un pain gâteau, tu sais, fait que ce gâteau, ça, je l'ai mangé, je te jure. Puis genre, tu sais, tu vas avoir pour le prix du pain complet, tu vas avoir une tranche si tu vas l'acheter. Là, ouais, c'est ça, comme exactement. Ça n'a pas d'allure, là, tu sais. Alors que là, tu peux manger à 4 ou 6 là-dessus, là. Ah, mais ça donne tellement des idées. Il n'y a pas d'agent de conservation. Dans ça, c'est bon, là. C'est bon et ça va se manger en dedans d'une demi-journée. Hein. C'est clair que c'est la... Il y a des choses aussi pour des soirées. Ça, c'est le danger. Il y a des choses aussi pour des soirées entre amis. Là. Depuis tantôt, je vois des tostitos passer. Oui, avec la croustade au porc. Oui, je vois des gens passer la croustade au porc. La croustade au porc est coulante, là. Ah, vraiment, là, tu sais, il y a du caramel dedans, là. Et comme vraiment... Le poulet au beurre, minute. Oui, ça c'est hyper rapide. Mais ça, pour recevoir le poulet, on en parlait, le tao. Qu'est-ce que t'as vu pour recevoir ça? Les tostitos. Ah, je l'ai fait en fait semaine passée. Les tortillas. Tu sais, il y a des tortillas. Hey, faire son tabasco. Ça, c'est des boys qui m'ont demandé ça. Faire son tabasco. Ouais, faire ton propre tabasco. Puis je te jure, c'est quoi le temps que ça prend? 10 minutes. 10 minutes. Sérieux? Puis jamais plus tu vas acheter une autre sauce piquante que ça. Je te jure, là, c'est malade, là. Ça, c'est à cause de la fameuse sauce sriracha, hein? Ouais. La mode de ça. Ouais. Mais c'est vraiment meilleur. C'est parce que on a réussi à faire une sauce qui est piquante. Tu peux la mettre plus piquante ou moins piquante. Mm-hmm. Je te donne les trucs, là. Mais c'est surtout qu'elle goûte d'autres choses que juste du piquant, du vinaigre. Mm-hmm. Il y a des tomates séchées dedans. Il y a des tomates séchées. On met un petit peu de horseradish, là, du réfort. Il y a un peu de réfort dedans. Les piments, ce que tu fais, tu les poches dans le vinaigre. Oui. Et après ça, tu les mixes. On met un petit peu d'huile dedans. C'est hallucinant. Puis, je sais pas si t'as vu la couleur. Oui, mais allô, la c'est sauce c'est jaune vert. C'est la couleur du piment, là. Oui, c'est ça. Et c'est pas la seule sauce, c'est aussi une sauce barbecue improvisée qu'elle a vraiment de ce côté. Oui, ben ça, c'est le fun. On faisait de l'impro, puis finalement, c'était bon, fait qu'on la gardait. Mais tu peux aller mettre ça dans ton tartare. Je dis ça de même. Puis là, vous allez apprendre à faire vos sauces brunes aussi pour les poutines. Arrêtez de les acheter en enveloppe. Wow. Puis, ils sont pas mal plus hautes. Oh, c'est vraiment plus hot. Mais ça donne tellement faim. Tu sais, il est 9h42, puis là, j'ai comme. Moi aussi, j'ai du tartare. De toute façon, à côté de toi, là. Les yeux, c'est comme un appareil photo. Ouais, toi, hein? Il a grandi. C'est clair, là, j'ai l'air d'une fille qui a pas mangé pendant des mois en regardant ces bleus. C'est qu'on pourrait nommer toutes les recettes qui nous tentent. Il y en a 75 en tout. Là, je viens de voir boucher au fond, de fondant au chocolat et aux petits fruits. Là. Mais moi, les smoothies, là, ça me parle en tabarouette. Tout, tout nous parle là-dedans. 9 chapitres, 75 recettes de bonheur sans stress, le slogan de ce livre-là. Presque. Vous avez passé combien de temps à faire ce livre-là, quand même? Devine. Tu sais, parce qu'il y en a qui vont prendre, je sais pas moi, un an à faire toute la production d'un livre... T'sais, si vous m'arrivez, vous me dites une semaine et demie, là, je vous lève mon chapeau, puis je sais pas. Ça doit pas être si ça, là. C'est moins que ça. C'est moins que ça pour les photos. Okay. C'est moins que ça pour les photos. Et les recettes, ils sont dans sa tête depuis toujours. Là. Non. T'es improvisé. On a des guides, mais on s'est fait inspirer. Il fallait que ce soit étudiant, ce livre-là. Donc, je veux dire, la mise en forme de tout ça, oui, Eric aussi, de son côté, c'est quand même Eric qui a amené l'idée des codes QR au départ. Là, puis, à un moment donné, il disait, ben, ça prendrait ça pour les étudiants, puis tout le kit. Ça, oui, c'est plus long. Mais une fois qu'on est lancé, tu peux pas faire, comme on a dit, un livre qui est stagé. C'est pour les étudiants, il faut que ça marche. Si on fait 15 recettes par jour, ça veut dire que c'est il y a personne qui a besoin de faire 15 repas par jour, mais divise par 4, et puis c'est sûr que tu vas y arriver. Tu sais, quand on donnait des recettes à Marilyn ou à Marie-Ève ou à Hugo, à Émile, la gang d'ici qui était là, je veux dire, ils le faisaient en temps réel. Puis même quelquefois, je répétais, puis ils me regardaient sans vouloir dire « Hey, papy, comme toi, on a tout compris, nous autres, là, regarde. » C'est simple, là, ton affaire, là, t'as pas besoin de te stresser. Mais il avait vraiment pas besoin de moi, là. Lui, quand il prenait des photos de mains, de doigts, de party, là, c'était tout en temps réel, puis tout a été réussi, mais... aussi bon que si je l'avais fait, là. Il cuisinait pour de vrai, puis il mangeait tout. Puis nous, tout ce qu'on a fait cette journée-là, la dernière journée de shooting, on les photographiait et on les admirait. C'était carrément tout ce qui restait à faire. Ils ont tout réussi. On a payé le vin. On a payé le vin, L'agence 20 mai, là, c'est quand même important. Moi, je verrais ça sous format de chronique vidéo. Hey, de tellement, genre, c'est ça je m'en allais dire. Une minute et demie par chronique, genre, tu sais, c'est tellement facile qu'on peut vous faire une capsule à la capsule, place. Ouais. Pour répondre à ta question, en combien de temps, Nicolas, il y a énormément de préparation pour penser, s'assurer que les recettes sont vraiment pertinentes. Il va chercher des témoignages, il va rencontrer des gens, des gens qui vont à l'université, qui vont au cégep, qu'est-ce qu'il y aurait besoin, puis là, il travaille beaucoup, fait qu'il ramasse toutes ses recettes partout. Puis après ça, il écrit toutes les recettes. Après ça, il teste. Puis après ça, là, on fait des photos. Là, on rentre, puis on fait des photos, puis là, on clenche. Après ça, on mange. Puis là, on mange. Évidemment. J'espère que vous avez goûté, là. C'est sûr que vous avez goûté. Ben, écoute, ça te parle pas, toi. Regarde juste le petit muffin déjeuner, là. Tu sais, avec le pain. le petit pain, là, que tu mets dans un moule à muffin, là. Oui. Sur la page couverture, après ça, tu casses un œuf, tu mets un peu de bacon, dans l'autre, tu mets un peu de saucisse. Ou tu regardes juste le petit yogourt grec, comme ça, avec des fruits surgelés, puis tu mets un petit caramel, tu mets ça dans ton pot maçon, puis tu manges ça le midi, là. C'est comme... c'est sûr. Regarde, là, c'est la le coche. Le bacon, y a-tu quelque chose qui est revenu vraiment souvent, tu sais, comme exemple, cette fameuse mode du bacon-là, là? C'est-tu quelque chose qui vous a été demandé beaucoup? Oui, ben. Le bacon, c'est toujours à la mode, mais faut jamais oublier un truc, là, tu sais. Toi, OK, toi, là. Oui, moi, le bacon, ouais. Tu vas m'en parler un peu. Mais toi, t'es pas un exemple parce que toi, t'es trop épicurienne. Mais ça paraît dans ta face. Ça paraît dans ma face. Ouais. Désolée. Mais tu sais, comme, c'est les femmes vont les filles, en règle générale, vous allez me demander, oui, un petit peu de bacon, mais ça revient toujours à des trucs qui goûtent bon, mais qui sont low calorie. Tout le temps. S'il y a plus, il y a vraiment un côté santé qui est vraiment très recherché. Par contre, c'est sûr que, au niveau des boys, c'est ça. Il y a plus de... Ça, il faut que ça goûte bon dans la bouche tout le temps. Là, mettons tarte à l'oignon, crème sûre, mettons. Là. Ça, c'est des ingrédients qu'un gars demanderait. Oui, exact. C'est sûr. Bacon dans celle-là, c'est sûr. Du bacon. Hein. Pizza, bacon, oignon, il y a dit quelque chose de... plus meilleur que ça. T'sais, de plus meilleur dans la bouche, dans le bedon. Ben, regarde-les. mais Matt, là, toi, la côte levée, là. Je sais, je l'ai pas. À l'orangeade, là, je te jure, là. J'en reviens pas à l'orangeade. Ou les burgers décadents aussi. Ça, c'est une affaire qu'on a quand même. Dans les burgers décadents, du bleu. Du fromage bleu, Oui, demandez, là. Dans la boulette, mettez-moi des petits morceaux. Fait qu'on a mis des petits morceaux de bleu qui ont fondu, là. Connaissance-là de l'aliment est différente de ce que c'était. Ben, du bleu, moi, je sais pas, quand j'allais à l'école, moi, du bleu. C'est ça. Allô, jamais personne n'aurait mangé ça. Ça aurait été un cas de torture attaché, genre, puis, tu sais. Mais non, là, c'est demandé, hey, j'en veux un qui goûte fort, je veux que ça goûte les bon. Les gars comme les filles, là. Oui. C'est juste les portions qui diffèrent. Les gars, ils peuvent aller à demi-livre de viande, ça rentre. Pas de problème. Hein? 3-4 malade. Bouchons. Malade, hein? Non, mais ils vont au caps à longueur de journée, eux autres. Non. Ah, Mathieu? Non, je ne vais pas m'entraîner au caps. Alors, on pourrait parler de ça pendant 3 heures, ouais, c'est ouais. certain. On va le feuilleter page par page. Ouais, c'est ça, je vais le dire. En fait, on pourrait vous feuilleter une page. Ben, c'est quasiment page. Ça qu'on a fait. Oui. Juste à regarder la couverture, il y a déjà une bonne dizaine de photos là, pour vous donner l'eau à la bouche en magasin. C'est certain qu'une fois que vous allez avoir ouvert le livre, vous allez dire bon, je vais en prendre deux. C'est clair. Bien, c'est clair. Pour partager. Ouais. Donc, c'est aux éditions Broquet qu'on retrouve le livre de Nicolas Moreau qui s'appelle Cuisine des étudiants par le cuisinier paresseux. Un bon livre consistant qui remplit. Qui tient, là. Je pense que ça tient pour un bon bout de temps, ça. Autant que ça fait peut-être, je dirais, on estime quoi, peut-être 2 ans qu'on s'est vu, peut-être pour le précédent livre, un an, même pas. Un an, ça fait un an, jour pour jour. Ben oui, le cuisinier paresseux prenait naissance l'an passé, puis on a commencé avec vous. Ben voyons. Et donc. C'est aussi ce qui nous a inspiré, de toute façon, de revenir, parce qu'on avait été très bien accueillis. Ben absolument. Oh. Vraiment, vraiment accueillis, parce que c'est le seul campus que je fais. Oui. Sérieusement, je les avais tous fait l'an passé, je les ai tous aimés, mais ici, il y avait comme. Et puis, je dis vraiment pas ça pour vous faire plaisir. Ouais, merci quand même, c'est ça. On aime ça. Mais le sex appeal de Tanya. Oh, merci, ah! merci. Merci Nicolas Moreau. Je merci vais tout essayer. Merci Éric Massicotte aussi. Merci beaucoup pour votre passage à l'émission. Ça nous a fait plaisir de défoncer l'émission pour là, vous. Là, on a vraiment faim. Je sais pas comment on va finir le restant de la journée. Vous venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Vous pouvez aussi écouter C'est fou en direct et télécharger les balados diffusion sur cfou.ca.